Stephen King aime Lily, Stephen King aime les menottes, Stephen King a écrit Jesse et Mike Flanagan l'a adapté. Bonjour et bienvenue au Vidéoclub de Castle Rock, je suis avec Chris comme d'habitude, ça va ? Ça va très bien et toi ? Ouais, ça va. C'est pas comme si ça faisait 30 minutes que tu m'avais posé la question ? Ah bah non, on n'enregistre pas du tout plusieurs podcasts d'affilée. Un mythe s'effondre. Donc on a dû décaler l'enregistrement de ce podcast, hein, parce que t'as eu un souci de menottes toi aussi, de lit, voilà, donc ça a duré 2 jours. C'est ça. Donc t'es encore un peu faible. Ah ouais, un peu, quand même, oui, mais j'ai mal au bras quoi. Ouais, aussi. Mais on va se lancer tout de suite, donc, dans notre étude, entre guillemets, de Jesse. Comme d'hab, on va spoiler le livre et le film, donc lisez-le et... J'en ai pas jusqu'à dire regardez le film, mais si vous voulez, quand même. Et nous, on va y aller. Arrête de spoiler les avis comme ça. Oh. Et puis dépêche-toi, il y a ma compagne qui est toujours attachée au lit, elle, par contre. Ah oui, tu lui as pas laissé la clé ? Ah non. Alors, c'est parti. Jesse nous raconte donc l'histoire de Jesse, c'est bien foutu, qui est marié à... Enfin, en VO, c'est pas Jesse. Oui, le titre VO, c'est Gerald's Game. T'as raison, faut que je précise les titres VO plus c'est souvent. C'est pour ça. Donc, elle est mariée à Gerald, un avocat très populaire. Ils partent en week-end dans leur maison de campagne isolée dans le Maine, et dans le cadre d'un jeu sexuel, Gerald menotte Jesse des deux mains à leur lit. Sauf qu'elle est très dérangée par ce jeu-là, surtout que Gerald se lance vraiment dans une simulation, entre guillemets, de viol, mais comme elle n'est pas consentante, ça devient un vrai viol. Donc elle le repousse, ce qui lui fait faire une crise cardiaque, et il meurt, et donc Jesse se retrouve attaché avec des véritables menottes à son lit, dans une maison totalement isolée, à laquelle personne ne doit passer avant un bon moment. Avec une porte pas très bien fermée. Jesse, c'est un livre qui est publié en VO en 1992 et en VF en 1993. Il est dédié à Tabitha King et à ses 5 sœurs. C'est le premier volume d'une trilogie informelle qui est consacrée à des femmes victimes de violences conjugales, avec Dolores Claiborne sortie la même année et Rose Madder qui sort 2 ans plus tard. D'ailleurs, Jesse et Dolores Claiborne sont assez liées, déjà parce que chacune a une vision de l'autre à un moment clé de leur intrigue, et parce que dans les deux cas, il y a une scène importante qui se passe pendant une éclipse sur l'île de Little Toll en 1963. Donc dans le cas de Jessie, c'est qu'elle s'est fait attoucher par son père sur cette île quand elle était gamine, pendant l'éclipse. Et dans le cas de Dolores Claiborne, on y reviendra en temps voulu. Oui. 10 ans plus tôt, en fait, King avait reconnu dans une interview pour Playboy, on en avait déjà parlé, que les accusations de sexisme à l'encontre de ses œuvres étaient très justifiées et qu'il avait du mal à créer des personnages féminins qui tiennent vraiment la route, qui soient vraiment forts. Et j'ai l'impression qu'avec ces 3 œuvres, il essaie un peu de se racheter et de commencer à plus développer ses personnages féminins, à développer leur psychologie. Clairement, c'est sa rédemption, oui. On peut, comme on le verra, c'est peut-être encore un peu maladroit par moment dans ces 3 livres, surtout dans Jesse et Rose Madder, je trouve Dolores Claiborne bien supérieure. Oui, mais on sent une réelle volonté. On sent une réelle bonne volonté, et surtout c'est quelque chose qu'il va continuer à faire, parce qu'après on va avoir des histoires de Lizzie, qui est un personnage féminin vraiment très chouette. Alors même si c'est une gamine, il y a la petite fille qui aimait Tom Gordon, quand même. Et après il va y avoir le personnage d'Holly Gibney dans la trilogie Bill Hodge, et Sleeping Beauties. Donc il a quand même bien évolué sur ce point-là depuis le début de sa carrière. Et c'est louable. Je pense pas qu'on puisse le considérer comme un chantre du féminisme. Non. Mais je trouve l'intention super louable. Voilà. Et on la retrouve aussi avec d'autres types de personnages peu représentés chez King, d'ailleurs. C'est ça. Bah, on peut pas dire que c'est un grand féminisme, mais maintenant on peut plus dire que c'est un grand misogyne. Voilà, c'est ça. Ce qui est déjà bien. Enfin, c'est déjà bien qu'il ait fait l'évolution. Il pourrait faire mieux. Et je pense qu'il va le faire. Déjà, de base, c'était bien qu'il le reconnaisse. Parce qu'il l'a toujours reconnu. Donc au moins, ça, c'est quelque chose qu'on peut pointer. Et pour le coup, Oli est vraiment un très très chouette perso, je trouve, hein, dans les Monsieur Mercedes que tu as lu. Ouais. Et par la suite, elle se développe encore plus. Bah oui, dès Monsieur Mercedes, elle est quand même assez attachante et assez forte en plus. Ouais. Le livre sort en mai 1992 et reste 28 semaines sur la liste de meilleures ventes du New York Times, dont plusieurs à la première place, et selon Publisher Weekly, c'est le troisième livre le plus vendu de l'année, derrière L'affaire Pélican de John Grisham qui est en deuxième, et Dolores Claiborne qui est en premier. C'est marrant, c'est trois films qui ont été adaptés. J'ai ni lu ni vu L'affaire Pélican. Le film est sympa mais un peu chiant. Et le livre ? Pas lu. D'accord. Le livre divise un peu à sa sortie, il y en a plusieurs qui ne l'aiment pas. Pour le New York Times, Wendy Dunninger reproche que le mélange horreur-roman psychologique, disant que l'horreur en fait dessert la psychologie et inversement. On y reviendra. Et la critique d'Entertainment Weekly, qui n'est pas signée, reproche au livre un message féministe mal géré, ça aussi on y reviendra un peu. C'est aujourd'hui un livre qui divise, surtout pour sa fin. On va y revenir encore une fois. Je l'ai pas trouvé sur des listes des meilleurs King, et dans les classements de tous les Stephen King, ensemble, il est vers le milieu, il est entre la 20e et la 30e place, dans l'ensemble. Donc sur une liste qui en contient d'ensemble une cinquantaine, pour ce que ça classe les romans, donc vraiment le milieu. J'ai pas trouvé non plus d'avis de King sur le livre en lui-même, j'ai trouvé des trucs sur le film, mais pas sur ce qu'il pense du livre, et donc on va en passer tout de suite à nos propres avis. D'accord. Après c'est peut-être juste que je suis nul pour faire des recherches, hein. C'est pas totalement inenvisageable. Hein. Et donc, Christopher, qu'est-ce que tu penses de Jesse ? Alors Jesse, c'est un roman que j'avais déjà lu il y a plusieurs années, puisque c'était pendant mon adolescence, que j'avais bien aimé à l'époque, mais avec quelques réserves, que du coup j'ai redécouvert pour les bienfaits de ce podcast, qui a encore été une lecture pas désagréable, mais avec encore plus de réserves. C'est un récit que je trouve globalement bien écrit. C'est un personnage qui est plutôt attachant. Jesse est attaché. Voilà, on aime bien les bons mots ici. Ouais. Qu'est-ce qu'on se marre. Je rajouterai les faux rires en fond. J'espère bien. Le budget est merde ici. Et est-ce qu'on va rentrer dans le fond du problème tout de suite ? Bon, je vais d'abord donner aussi mon avis rapide. Alors du coup, juste pour dire, c'est un roman que je trouve sympathique, mais qui est loin d'être le top de ce que King a pu écrire. Je suis assez d'accord. C'est un King que j'avais dû découvrir assez tôt. C'est pas le premier que j'ai lu, mais ça devait être dans les premiers, parce que c'était le seul que ma mère avait chez elle, vu qu'elle a beaucoup de mal avec le gore et l'horrifique. Mais elle avait Jesse, je ne sais pas trop pourquoi. Alors du coup, curiosité. Quel est le premier King que tu as lu ? On ne s'est jamais posé la question. C'est ça. D'accord. Grand classique. Effectivement. Et toi ? Eh ben c'est Misery. Ouais, tout premier classique King que aussi. J'ai lu. Grand classique. Et... Mm. Alors, enfin, pour moi, l'un de ses meilleurs, mais on spoil, mais voilà. Oui. Clairement, Misery, c'est dingue. Globalement, moi, Jesse, j'aime bien. Je trouve, en fait, le dispositif mis en place très sympa, c'est-à-dire avec cette contrainte qu'il s'est imposée d'un personnage attaché pendant tout le livre, donc qui ne peut pas bouger, donc il ne peut pas y avoir beaucoup d'événements actifs. Un vrai huis clos. Et cette idée des dialogues avec différentes personnalités dans sa tête, ça je trouve ça très bien trouvé. Après c'est un roman qui a des faiblesses dans son traitement du message déjà, mais ça encore, je serais prêt à les pardonner en fait, justement parce qu'il y a au moins l'intention de s'améliorer, donc je serais prêt à pardonner ça. Pour moi, il a une grosse faiblesse au niveau de son intrigue et au niveau de sa fin, sur laquelle on reviendra. Donc ça, c'était pour l'avis rapide, et maintenant, effectivement, on peut entrer un peu plus en profondeur. Donc toi, qu'est-ce qui soit t'a plu, soit t'a gêné, selon ce par quoi tu veux commencer ? Bah déjà, je suis d'accord avec toi, le postulat de base est très bien, parce que c'est la peur de l'inconnu, tout simplement. C'est un personnage qui ne peut pas bouger, qui est dans un endroit qu'elle connaît, parce que c'est un endroit familier, c'est leur maison de villégiature, quoi. Et pourtant, il y a mille inconnus qui s'opposent à elle, parce qu'elle sait que la porte est mal fermée, elle sait qu'il y a un chien qui rôde aux alentours, parce qu'elle l'a entendu aboyer depuis très longtemps, même au tout début du roman, elle sait qu'il y a un mec qui rôde autour, parce qu'elle a entendu une tronçonneuse, donc sous-entendu un mec qui coupe du bois, quoi, qui sans doute fait son boulot, mais elle sait pas trop qui il est, où il est. Et elle se pose surtout très vite des questions sur la faim, la soif. Donc c'est tout ça qui est vraiment très intéressant, c'est de confronter ce personnage dans un milieu, dans un univers qu'elle connaît, la confronter à des peurs totalement inconnues. Ça, c'est super intelligent, et c'est très bien amené surtout, et c'est plutôt bien écrit en plus. Ouais. Dans l'idée, en fait, elle sait, enfin, elle est persuadée qu'elle va mourir très vite, ouais. Mais elle sait pas quand. C'est ça. Et comment ? Oui. Pour les passages un petit peu dérangeants, alors très vite, On sait que Jesse a connu des trucs pas terribles dans son enfance. C'est à distiller, alors ça c'est plutôt bien amené, c'est distillé au fur et à mesure, avec des flashbacks de elle et de son ami Ruth qui essaye d'apprendre la vérité au fur et à mesure. Ouais, alors pour précision au lecteur, en fait son ami Ruth c'est une amie qu'elle avait dans sa jeunesse quand elle était étudiante, et avec qui elle s'est disputée, on ne sait pas trop pourquoi au début, et quand elle est attachée justement ça va être une des personnalités qui va se manifester à elle, ça va être celle un peu qui va le plus la secouer, c'est l'image d'elle en femme forte en c'est quelque ça. Sorte. Et donc ça c'est intéressant parce qu'on est plongé plusieurs fois dans le passé, on comprend qu'il s'est passé un truc, après on comprend qu'il s'est passé un truc lié à sa famille, ensuite on comprend que c'est lié à son père, et ensuite on comprend vraiment ce qui s'est passé. Et c'est amené vraiment de manière plutôt subtile et au fur et à mesure. Et c'est là par contre que intervient le premier souci que j'ai avec ce roman, et c'est un souci global que j'ai avec King, c'est que King, dès que ça touche à la sexualité, que ça soit volontaire ou pas volontaire, dans les actes que les personnages vivent, bah c'est très mal écrit, et c'est écrit de manière très maladroite. Et je trouve que la scène d'attouchement avec le père est tellement mal écrite et tellement maladroite que ça en devient malaisant, mais pas... Moi, ça m'a pas provoqué un malaise volontaire, parce que c'est volontairement malaisant ce qui se passe, parce que bah, c'est quelque chose de pas naturel qui se produit. Mais le malaise venait plus pour moi du fait que ça soit mal écrit, dans le sens où j'ai l'impression que King voulait aller tellement loin qu'au bout d'un moment, ça devient too much, dans la description de ce que fait le père. Je vois un peu ce que tu reproches. Après, moi, ça m'a pas dérangé autant que toi. C'est-à-dire, j'ai trouvé ça pas subtil, pas fin. Il y aurait eu des moyens de le faire mille fois mieux. Mais après, je trouve que le côté brutal, finalement, souligne le malaise qu'a pu ressentir Jesse et le fait qu'elle ait complètement refoulé ça. C'est pas totalement inefficace. C'est juste que c'était peut-être la manière la plus bourrine de le faire. C'est en fait, ça rejoint un peu un truc que King aborde dans son Anatomie de l'horreur. C'est-à-dire, il y a plusieurs moyens, selon lui, de faire de l'horreur. Le plus bas de plafond, mais où on est quasiment sûr que c'est efficace, c'est vraiment d'y aller dans le détail glauque à fond. Et là, c'est ce qu'il fait, quoi. C'est... Peut-être que plus de subtilité aurait été effectivement bienvenue et aurait été de meilleur goût. Mais je trouve que ça fonctionne en soi. Après, oui, après cette séquence-là, c'est clairement le ressenti de chacun. Ouais. Après, encore une fois, c'est aussi qu'on est deux mecs en train de parler d'une scène écrite par un mec sur un viol d'une jeune fille, donc on n'est peut-être pas les mieux placés pour en témoigner. Mais moi, ça m'a pas dérangé, complètement, en tout cas. Oui, voilà. On sent, en fait, pendant tout le roman, que King veut traiter de thèmes importants autour de la position de la femme. Jesse n'est pas battue, contrairement à Dolores Claiborne et Rose dans Rose Madder. Elle est dominée par son mari, mais il lui cogne pas dessus. À aucun moment, il y a de mention de ça. Enfin, je crois pas, en tout cas. Non. C'est juste qu'il l'amène par la manipulation à des jeux sexuels auxquels elle veut pas participer. Et oui, finalement, il y a un cas de viol conjugal au moment où elle va le tuer. Mais c'est plus une étude sur la domination de Jesse par les hommes. Et ça, je trouve ça assez intéressant de vouloir traiter ça, en tout cas. Après, c'est pas toujours fait avec beaucoup de subtilité, il y a des faiblesses, je trouve. Je saurais pas dire exactement ce qui me dérange, mais on sent que King est en train de débuter dans l'étude, dans la découverte de ces thématiques-là, quoi. Mmh. Non, mais tu fais bien de préciser ça, parce que oui, il la domine de manière... il la domine sur un plan professionnel et de pouvoir, en fait. Oui. Parce que lui, et elle-même le précise plusieurs fois, lui... est avocat, lui gagne beaucoup d'argent, beaucoup plus qu'elle, et c'est sur ces points-là en fait qu'il la domine. Oui, c'est mieux parler et compagnie, voilà, y a tout ça qui est abordé. C'est un jeu de pouvoir qu'au final on voit constamment, au jour d'aujourd'hui en fait. Là, clairement, oui. sur ce point-là, il touche juste. En bah, pour le coup, il aborde clairement la question du patriarcat. Finalement. Voilà, c'est ça. Peut-être beaucoup plus que les autres romans de King qui ont traité de violences conjugales. À part bah, Sleeping Beauty, où c'est une thématique centrale, là vraiment le patriarcat est au centre d'intrigue et Gérald en est une représentation. Et Rousse, au contraire, c'est le personnage qui essayait de libérer Jesse de ça. Dans le roman, il y a plus ou moins quand même des grosses suggestions comme quoi elles auraient pu aussi avoir une liaison plus qu'amicale, autre qu'amicale, si Jesse avait pu se libérer de carcans sociétaux comme ça. Oui. Donc à ce niveau-là, c'est intéressant, mais. Disons que je comprends la critique qui dit que l'aspect horrifique va nuire au message. C'est vrai que c'est un peu maladroitement amené par moment. Oui, clairement, on est d'accord. Mais à côté de ça, il y a des passages qui fonctionnent. Ah oui, carrément, oui. Il y a des passages qui fonctionnent et Bah, King a au final a réussi à créer avec Jessie un personnage de femme forte, pas seulement mentalement, mais aussi dans les actes. Parce que c'est un personnage qui est dans une position vraiment pourtant de faiblesse, parce qu'elle est attachée à son lit et elle a très peu de moyens de se mouvoir. Et tout le passage où elle arrive à choper le verre, mais ce passage-là est super bien écrit. Alors le passage où elle le chope pour boire, tu veux dire ? Oui. Oui. Il est super bien écrit, on est vraiment à fond derrière elle, et pourtant, elle a l'air de vivre l'enfer pour oui. réussir à attraper ce putain de verre, quoi. Ce passage-là, ça marque vraiment l'aspect personnage de femme forte, qui est vraiment bien écrit. Bah, et puis même sa décision finale est plutôt bien écrite, c'est-à-dire jusqu'au moment... Donc voilà, en fait, Jessie, pour se libérer, va utiliser son propre sang comme lubrifiant, ouais. et donc va se tailler les veines du poignet, et va s'arracher complètement la peau du poignet. C'est bien dégueulasse, ouais. c'est bien dégueulasse dans le film aussi. Ah, dans les descriptions, oui, ça... C'est pour ça que ça m'avait étonné qu'il y ait ce livre-là chez ma mère, parce qu'elle est vraiment crade, cette scène. Et ça, c'est pareil, ça montre bien qu'elle est capable de prendre des décisions fortes. C'est plutôt bien écrit, ça. Ouais. Toutes ces idées qui sont soufflées, du coup, par la petite voix de Ruth dans sa tête. Mm. Et pour le coup, vraiment, les dialogues avec les différentes voix dans sa tête sont chouettes. Je trouve que c'est une bonne idée pour pouvoir faire du développement de personnages sans que ce soit trop lourdingue, en fait. On est vraiment dans une situation de dialogue très rythmée, sauf que c'est un dialogue dans sa tête. Mmh. On fait un petit rappel des voix dans sa tête, parce qu'il n'y a pas que Ruth. Ouais. Et aussi, il y a une petite voix de petite fille. Ouais. Un peu plus apeurée et qui, du coup, bah, est sans cesse sur le questionnement de qu'est-ce qui est en train de se passer. Il y a une voix un peu plus posée. Ouais, c'est un peu la... Bah, c'est l'équivalent de la femme obéissante, c'est ça. Cette voix-là. Il y a principalement ces trois-là. Hein. Oui, c'est vrai. Bah, en fait, ça représente trois des côtés de Jessie, c'est-à-dire le côté qui veut s'affirmer, le côté femme dominée, et le côté petite fille peureuse, ce qui, dans la situation, est relativement compréhensible, on va pas se mentir. Oui, ce qui est compréhensible. Donc ça, c'est plutôt bien vu. Alors, on peut en venir à ce qui est pour moi l'autre très gros souci de Jessie, c'est qu'il y a un psychopathe, en fait, qui vient lui rendre visite plusieurs fois dans sa chambre, et à la fin de Jessie, quand elle arrive à se libérer, elle s'enfuit donc en voiture, elle est suivie par ce psychopathe pendant un moment, tandis qu'elle s'enfuit, et on découvre sur un long épilogue, très très long épilogue, que ce mec, c'était un mec qui a... Enfin, il cumule tout, comme tu me disais. Hein, il est cannibale, il a tué sa famille, il est violeur, pédophile, anthropophage, coprophage... Comme je t'ai dit en off... Nécrophile... Comme je t'ai dit en off, au moment de la description de tout ce qu'il a fait, j'imaginais King sur sa chaise de bureau en train de se dire « Ah, je vais créer le personnage le plus démoniaque au monde !» Ouais, c'est ça, il manque plus qu'il soit un ancien nazi, et puis c'était bon, on avait tout ce qu'il fallait. Mais tu te dis, mais c'est pas possible, parce qu'en plus, il nous décrit que le personnage a fait de la prison. Mais à aucun moment tu libères un mec comme ça. Ouais, et puis ça te décrit aussi que le personnage, en fait, a une maladie, je ne sais plus quoi, qui fait qu'il a les membres déformés, c'est ce qui fait qu'il ressemblait à une créature fantastique. Et le souci, c'est que c'est ultra explicatif. Déjà, ça dure une plombe, ça t'explique tout. Et surtout, en fait, ça fait baisser la tension d'un coup. C'est-à-dire, je comprends totalement ce que King essaie d'entreprendre avec ça. C'est-à-dire, vu que Jessie va pouvoir se confronter à lui une fois libérée, c'est un peu une victoire concrète qu'elle va avoir sur un homme qui l'a dominé. Donc, symboliquement, c'est intéressant. Le souci, c'est qu'en fait, le fait qu'il existe vraiment, ça fait tout retomber. Parce qu'il n'y avait pas besoin de cette menace. C'est-à-dire, Jessie, elle était déjà attachée à son lit, si elle se libérait pas, elle finissait par mourir de faim et de soif, donc de toute façon, elle allait mourir, il n'y avait pas besoin d'un psychopathe pour accélérer le travail. Et encore, si ça avait juste été comme au... Enfin, et encore, au tout début. Dès le début, on sait que la menace est palpable, parce que le chien a peur et fuit la maison, puisqu'on l'a pas dit, mais à un moment, il y a le chien, du coup, qui arrive à rentrer dans la maison et commence à dévorer Gérald. Oui, ben ça... On l'a pas évoqué, ça, et pourtant, c'est... plutôt un bon point du roman, ça, pour le coup. C'est la menace du chien. Parce que c'est une menace, mais en même temps pas une menace, parce que King nous fait comprendre que bah, le chien est là, mais c'est ses instincts de survie lui-même qui agit, donc... Ce qui peut, du coup, devenir aussi un peu une sorte de modèle pour Jessie, qui, elle aussi, va devoir faire appel à ses instincts de survie. Voilà, c'est exactement ça. Et c'est en ça que le chien et, j'ouvre des guillemets, la menace que représente le chien est intéressante. Et on en reviendra, c'est totalement gâché dans le film. En soi-disant, moi j'aurais essayé de dresser le chien pour qu'il m'amène un gigot de Gérald. Mais bon, et du coup, le fait que le chien ait peur et s'enfuit, parce qu'il y a tout un passage, il y a tout un mini-chapitre dans le roman où on est du point de vue du chien, et donc le chien se rend compte que quelque chose arrive vers la maison, et donc il fuit, parce qu'il a peur. Et donc, bah, du coup, direct, on sait que la menace est palpable et qu'elle est réelle, et que c'est pas une vision cauchemardesque que ferait Jesse en état de panique. Alors, est-ce que ça... d'ailleurs, dans le livre, ce chapitre est lu par Manu Payet ou par Christian Clavier ? Non. Oh, un psychopathe, ok ! Je t'ai déjà dit, pour doubler les chiens, il faut Alain Chabat. C'est lui qui est le mieux, hein, Didier. non, mais ça aurait pu être bien si c'était resté en l'état de vision horrifique de personnes qui est en état de stress, ou même de d'enfants. On en a tous eu des visions, croire distinguer une silhouette oui. dans sa chambre à cause de vêtements qui sont posés un petit peu n'importe où, comme le gamin au début de Cujo, par exemple. Ça, c'est des terreurs nocturnes qu'on a tous eues étant enfants, et du coup, oui, ça aurait une raison d'être là. Mais le problème, c'est que dès le début, c'est palpable. Et bah, c'est un souci, quoi. Oui, non mais carrément, c'est en fait, ça crée une menace qui a pas de raison d'être. Et qui du coup zappe d'autres choses, parce que il y a tout un passage donc sur la soif, mais la faim est très peu évoquée. Elle est même quasiment jamais évoquée. Bah, ce qui peut être compréhensible, parce que techniquement, la soif tue plus vite que la faim. Oui, mais t'as quand même faim très vite. Oui. Logiquement, enfin, après, on n'est pas tous foutus pareil. Moi, par exemple, si je saute juste à déjeuner... Bah le soir, je crève la dalle, quoi. J'ai vraiment faim. Autant dire ça, la faim, j'arrive à mieux dominer que la soif. Après, c'est vrai qu'on n'est pas tous constitués pareil. Ouais. Mais là, pour le coup, c'est vraiment, à aucun moment, développé. Bah après, tu me diras, peut-être que voir ton mari se faire bouffer par un chien, peut-être que ça coupe l'appétit. Ça, je pense, hein. ça va être pas... J'avais pas forcément pensé à ça. Clairement... Enfin, j'ai pas de mari, mais je vois quelqu'un se faire bouffer devant moi. J'ai beau avoir l'appétit solide. T'as pas de chien non plus, donc tu ne dois pas savoir. Non, bah déjà, un chien, ça a tendance à me couper l'appétit, même s'il mange personne. Mais voilà, je trouve que ce psychopathe, en fait, a pris la place, du coup, d'autres terreurs qui auraient pu être intéressantes à développer dans la position dans laquelle Jesse se trouve. Et tout ça, oui, bah, je pense qu'il est là juste pour les quelques pages où elle le rencontre à la fin, où elle le retrouve. Mais qui c'était être, très dispensable. Qui aurait pu être fait d'autres manières, qui aurait pu être fait avec une confrontation onirique ou cauchemardesque avec un Gérald en entité, quoi. Oui, ou son père, d'ailleurs. Ou son père. Chose que, pour le coup, bah, le film fait. C'est peut-être l'un des seuls trucs intéressants que le film fait, quoi. Mm. Spoiler. Alors, ça finit en mode conte de fées, elle se met en couple avec Rose, parce que la fin, c'est elle reprend contact. On aurait plutôt qu'une lettre, ce qui est particulièrement lourd, on aurait peut-être pu avoir une retrouvaille, d'ailleurs, avec la véritable Rose. Globalement, Jesse fait partie de ces romans de King qui durent trop longtemps, en fait. Ouais, alors qu'il est pas si long. Hein. Ah non, il est pas long. Il doit faire quoi ? Même pas 400 pages ? Ouais, et pendant vraiment 350 pages, moi, j'ai pas grand-chose à reprocher à Jesse, à part 2-3 maladresses et le côté bourrin. Voilà, et encore une fois, comme je l'ai dit, il me dérange moins que toi. Ouais, c'est vraiment une de ces fins de King qui, pour moi, me gâche un peu le roman. Oui, clairement, parce que là, en plus, c'est long. Dans le film, c'est moins long. Dans le film, ça doit durer 10 minutes. Dans le roman, ça fait facilement entre 50 et 100 pages. Ouais. Quoi. Déjà, dans le film, c'est interminable, quand même. Ouais, mais c'est interminable, alors que pourtant, c'est pas si long que ça. Non. C'est interminable parce que... Ça faisait déjà 90 minutes qu'on se faisait chier, spoiler, voilà. Mais bon... Mais dans le roman, pour le coup, c'est palpablement long. Vraiment. Ouais. Enfin, voilà. Ah, et puis moi, en fait, je l'ai lu, j'ai dû le lire quasiment coup sur coup avec Dolores Claiborne, que j'ai dû lire juste après, et il souffre vraiment de la comparaison. Hein. Pour le coup, je n'ai pas lu Dolores Claiborne. Je le trouve infiniment supérieur, et d'ailleurs, je me suis souvenu, on cherchait l'autre fois des King qui soient écrits d'un bloc, sans chapitre et tout, Dolores Claiborne, c'est aussi comme ça. D'accord. Voilà. Donc voilà, de la trilogie des femmes battues, entre guillemets, de King, je le classe en deuxième, certes. Je trouve ça moins bien que Dolores Claiborne, mais mieux que Rosemader. Donc voilà. Je te crois. Mais non, bah, c'est loin d'être un mauvais roman, et c'est à saluer pour plein de trucs. Bah, déjà, en soi, le personnage de Jesse, hein, parce que moi, c'est un personnage que je trouve sympathique, quoi qu'il en soit. Ah oui, c'est un bon personnage. Hein, un personnage qui est bien écrit, qui est bien maîtrisé, psychologiquement, qui est bien travaillé également. C'est ça, pour la manière dont il gère le défi qui s'est lancé, je trouve que c'est un roman plutôt chouette. Oui, qui s'en sort très bien. C'est dommage du coup pour la fin, surtout que la fin elle arrive un peu comme un cheveu sur la soupe, comme je t'ai dit en off, c'est un petit peu le phénomène du « Ah, elle est sortie de la maison, elle est dans la voiture, je sais pas comment faire, ellipse ». Ouais. D'accord, ok. Bon, c'était pas très bien amené, quoi. Mais pour le coup, il y a vraiment que la fin et moi le passage avec le père que je trouve un peu trop glauque et brutal. Mais je comprends ce qu'il a voulu faire. C'est juste que moi, ça m'a perturbé, mais pas pour les bonnes raisons. Ouais, je comprends. C'est voilà. Mais après, il y a aussi une autre scène de viol très brutal chez King dans Sagdos qui est mieux, je trouve, qui passe mieux, ouais. Ouais. Là, par contre, la scène qui vient après où le père la manipule pour la convaincre de rien dire, celle-là, je la trouve vraiment très bien faite. Ouais, elle est bien amenée, elle est bien écrite, et on comprend surtout que le père est un enfoiré. Ouais, et en déjà. Fait, ce qui est fort, c'est que toi, en tant que lecteur, tu le comprends tout de suite, et que du coup, c'est Jessie, en se souvenant de cette scène-là, elle comprend seulement maintenant que son père est un enfoiré. Oui, en fait, il joue sur, pour les auditeurs qui n'auraient pas lu, il joue sur la... peur de voir le couple père-mère se briser, il dit si... voir sa famille hyper acquittée. Voilà. En fait, le père dit à Jessie, si tu dis ce que j'ai fait, ta mère va nous en vouloir à tous les deux, déjà, en plus. Je crois qu'il insiste même plus sur le fait qu'elle en voudra à Jessie elle-même. Bah, il lui fait qu'en fait, il lui fait, croire que c'est de la... que c'est sa faute, en fait. En fait, oui. Il a une attitude, il a l'attitude que la majorité des violeurs ont dans la vraie vie véritable, quoi, malheureusement. Oui, c'est ça. C'est de faire croire aux victimes que c'est elles les coupables, alors que non. Oui. Surtout là, clairement, c'est indiqué, enfin, tel que c'est écrit, le père lui-même sait que c'est lui le coupable. Ouais. C'est juste qu'il se protège. Et du coup, ça renvoie à un des flashbacks que Jessie avait, où elle s'est rendue avec son amie à une réunion de femmes qu'ont connu des sévices. Où elle se souvient d'une jeune fille qui était maltraitée par son frère et par ses amis. Et je sais pas si tu te souviens de cette scène. Vaguement. Où la jeune fille montrait des traces de brûlures de cigarettes au niveau de la poitrine. Et donc la jeune fille disait pourquoi elle ne l'a jamais dit. Parce qu'elle avait peur que sa famille périclite. Et c'est ce qui ramène tout ça dans la tête de Jessie, quoi. Bah, c'est d'ailleurs ce qui a vraiment causé la séparation de Jessie et de Rose. C'est le fait que Rose voulait faire ressortir. Elle avait compris que Jessie cachait quelque chose, avait un traumatisme enfui, elle avait voulu le faire ressortir et Jessie n'avait pas supporté ça. C'est ça, et du coup, elle le supportait pas parce qu'elle pensait que c'était elle la coupable. Oui. C'est pour ça que du coup, à la fin, elle veut recontacter Ruth, parce que du coup, elle s'est rendue compte que non, qu'elle, elle y est pour rien, et que le fautif dans l'histoire, c'est son père. Que le fautif, quoi qu'il en soit, c'est toujours... c'est le violeur et non pas la victime, quoi. Ouais, donc ça, pour le coup, qu'elle recontacte Ruth à la fin, c'est plutôt bienvenu, c'est pas mal, c'est mal fait, mais c'est une bonne idée. C'est une bonne idée, c'est juste que du coup, on aurait préféré que ça se termine sur ça, ou alors que ça prolonge sur ça, plutôt que de dériver après sur des descriptifs d'un psychopathe qu'on en a rien à foutre, quoi. Et qui, du coup, nique tout le propos. Enfin, nique le propos, non, parce qu'après, ça marque une victoire d'un personnage féminin sur un personnage masculin, mais c'est tellement mal amené. Ouais, c'est trop concret, en fait. Surtout que l'autre problème que ça a, c'est que c'est une victoire sur un personnage masculin atypique. C'est-à-dire, tout le livre traité avec Gérald et avec le père d'une domination des hommes plutôt, hélas, quotidienne. C'est-à-dire, même dans le cas du père, ça n'arrive pas à tous les pères, heureusement, mais c'est quand même quelque chose de plutôt récurrent. Tandis que là, ce psychopathe-là, là, on peut faire une Little Man sur ce psychopathe-là. Il est un peu exagéré, quand même. Oui, voilà. Et puis, surtout que son père et Gérald aussi, c'est des hommes qui ont conscience qu'ils abusent de leur position. Alors que ce psychopathe, on le voit à la fin, qu'il a pas vraiment toute sa tête, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis ça rompt vraiment la quotidienneté des dominations masculines. C'est lui, il est pas dominateur parce qu'il est un homme, il est dominateur parce que c'est un psychopathe. Voilà, c'est ça. Son sexe n'a pas grand-chose à voir avec le problème, je trouve. Et c'est pour ça que... Donc c'est dommage. Et c'est pour ça que, du coup, ça détruit un peu le propos, parce que ça banalise un peu, du coup, les violences des hommes, entre parenthèses, normaux, que représentent le père et Gérald, quoi. Ça les fait passer au second plan, quoi. C'est ça. Et c'est exactement le même souci qu'à Rose Madder, j'en parle un peu parce que, a priori, il n'est pas adapté pour le moment, donc on n'aurait pas en parler. Et c'est que le personnage du mari de Rose Madder est un turbo-psychopathe, et en fait, ça brise tout le message parce qu'on n'a pas l'impression que c'est une femme battue parmi tant d'autres, malgré la présence d'autres femmes battues dans l'intrigue. On a l'impression qu'elle est vraiment tombée sur Maboul premier. C'est-à-dire, le mec, c'est un flic violeur, corrompu. Ultra violent. Oui, c'est pas la figure comme on voit dans les infos, il avait l'air normal, c'était monsieur. C'est tout ça. Monde, quoi. Tandis que ça, pour le coup, Dolores Claiborne le fait très bien. Je le trouve vraiment glaçant, Dolores Claiborne, au niveau du traitement de son méchant. Bah, et puis du coup, c'est la figure du mari de Dolores. Bah, et puis c'est ce que Jesse, en tout début de roman, du coup, fait avec le père et... Ouais. Et Gérald. Ah bah Gérald, il n'y a pas de problème. Je le trouve très bien traité en tant que dominateur. C'est des mecs qui ont conscience de leur statut. Et pourtant, c'est des mecs bah, que tu croises dans la vie de tous les jours sans te poser de questions et sans même avoir ne serait-ce qu'un doute sur si ce sont des enfoirés ou pas. Ouais. Et encore, à la limite, le père sait que ce qu'il a fait n'est pas normal, tandis que Gérald a conscience de son statut, mais en plus, il a l'air de considérer ça comme normal parce que, effectivement, il a le statut entre guillemets normal dans la société du mâle dominant, mais qui n'est... Voilà, il est dans un archétype social standard, qui est pas mal vu socialement, tandis que le père, il reste quand même pédophile, ça reste mal vu socialement. Hein. Oui, oui, oui. Encore heureux. Encore heureux. Donc voilà, un roman avec plein de qualités et quelques gros défauts. C'est ça, qui le plombe. Qui mérite d'être lu quand même pour, mais qui mérite largement, pour la tentative, et puis même pour le début de message qu'il représente. Voilà. Mm. Je ne sais pas s'il a déjà été fait dans le Roi Stephen, le podcast du Club Stephen King. Si c'est le cas, ça peut être intéressant parce qu'il y a pas mal d'interventions féminines. Il y a 3 présentatrices dans ce podcast. Donc peut-être pour avoir un point de vue plus concerné sur le problème. Si ça a déjà été fait, allez l'écouter. Et sinon, vivement que ça arrive. Oui. Oubliez de vérifier avant l'enregistrement. Je propose qu'on en passe au film. On peut passer au film. C'est parti. Ça va nous faire beaucoup de bien ce petit week-end. C'est pourtant ça, le mariage. Partager ses secrets les plus intimes. Pour le meilleur et pour le pire. Tu viens, on va se mettre à l'aise. Et tu crois que ton mari va débarquer d'une minute à l'autre. Il sait appeler à l'aide. Il n'y a personne à des kilomètres à la ronde. Gérald ? Désolé, ma beauté, tu ne sauras pas mon nom. Arrête, j'aime pas ça. Je suis sérieuse, laisse-moi. Voilà, comme ça. Stop ! Attends une seconde, t'es pas sérieuse ? Regarde, il te faut tout ça pour être excitée. Qu'est-ce qu'on a fait pour en arriver là ? On a été heureux à une époque, c'est vrai, non ? Gérald, qu'est-ce que... Hey. Gérald ! Réveille-toi. Allez, réveille-toi. C'est l'heure de se lever, mon chéri. 5 heures que tu as gâchées en hurlant pour prévenir des voisins qui habitent à 800 mètres si jamais ils sont encore là. Est-ce que tu sais combien de temps on peut vivre sans eau ? Ça marchera pas, oublie ça. Non ! Tu peux tirer jusqu'à te faire péter le poignet, t'enlèveras pas ces menottes. Vous n'êtes pas réel. Vous n'êtes pas réel. Petit bébé, ne dis pas un mot. Concentre-toi. Toi et moi, on sait que tu es somnambule depuis que tu as 12 ans. Elle est très jolie, ta robe. Il t'a mis ses menottes au poignet bien avant que Gérald ne le fasse. Ça va, ma souris ? Tu peux trouver autour de toi tout ce dont tu as besoin pour survivre. Il te suffit de te souvenir. Recule, ça suffit! Si tu ne te réveilles pas, tu vas crever. Alors, Jesse, le film est réalisé par Mike Flanagan, qui songeait à adapter Jesse depuis longtemps. C'est un livre qu'il avait adoré quand il était jeune, ado, qui l'avait beaucoup marqué, mais il n'osait pas se lancer, se disant qu'il s'agissait d'un livre inadaptable. Beaucoup de monde se disait ça, hein. Moi-même, avant qu'il soit adapté, je me le disais. Et moi-même, maintenant qu'il est adapté, je me le dis. Oh non, non, je pense que par quelqu'un qui est vraiment talentueux, ça peut le faire. Oui, oui, j'exagère. Il finit par sauter le pas, et c'est Intrepid Pictures qui produit le film. C'est une société qui a produit pas mal d'autres Flanagan, puisqu'ils sont aussi dans... Enfin, ils ont aussi produit The Mirror, Sans un bruit, Ne t'endors pas et Doctor Sleep. Parle bien en nous. Et le film sera distribué par Netflix, qui a aussi distribué, donc tu me disais, c'est... Sans un bruit, ou tout du moins chez nous, je sais pas si aux États-Unis c'était pareil, et Ne t'endors pas. Ouais, et The Haunting of Hill House aussi, qui sa est série, de Flanagan. Voilà. qui elle est aussi produite par Netflix, il me semble, par contre. Oui, je crois. Pas juste distribuée, parce que pour les autres, ouais, c'est juste de la distribution, je crois. Flanagan, c'est un réalisateur américain qui avait fait financer son premier film, Absentia, via un financement participatif, grâce auquel il avait réuni 700 000 dollars. C'est un réalisateur très actif, qui est souvent aussi scénariste et monteur de tous ses projets, et qui a eu jusqu'à 3 films à l'affiche la même année. Parce qu'en 2016, il y avait Ouija, Les Origines, Ne t'endors pas, et Sans un bruit. Et il s'est fait peut-être vraiment connaître avec The Haunting of Hill House, justement, qui est le truc dont on parle le plus le concernant, du moins avant la sortie de Dr. Sleep. The Haunting of Hill House, qui est donc adapté de loin du livre Maison Hantée de Shirley Jackson, qui est un livre que King adore. Qui en fait, donc pour la petite explication, chaque saison de The Haunting sera une histoire. Ouais, et la deuxième sera basée sur la tour d'écrou de Henry James, voilà. Elle arrive cette année. Qui, oui, parce que le tournage s'est terminé il n'y a pas très très longtemps, là, à l'heure où on enregistre. Le producteur du film, c'est Trevor Macy, qui est aussi un habitué de Flanagan, puisqu'il est sur tous ses films à partir de A Part Absentia. Le scénario est coécrit avec Jeff Howard, qui est co-scénariste régulier de Flanagan aussi, puisqu'il est aussi sur The Mirror, Ne t'endors pas, Ouija les origines et The Haunting of Hill House. Et à part ça, il a rien fait de notable, je trouve. L'actrice qui joue Jessie, c'est Carla Gugino, je sais pas comment ça se prononce. Prononce-le comme tu penses, hein. Ouais. Qui est une actrice américaine qu'on a pu voir dans pas mal de films, en fait. Sa tête me disait rien, mais je me suis rendu compte que j'avais vu dans plusieurs trucs, puisqu'elle est dans Snake Eyes, de Palma. Ah, d'accord. Elle est dans les films Spy Kids, c'est elle qui joue la mère des gamins. Elle est dans Watchmen, un petit rôle, elle joue le premier spectre soyeux. J'ai pas vu Watchmen. Ah ouais, je pensais que tu l'avais vu, tiens. Dans Rise aussi, qu'on avait vu tous les deux, mais je sais plus qui elle joue. Et dans pas mal d'autres films, même si elle est rarement dans un rôle principal. Et on la voit pas mal dans des séries, dont Entourage, Wayward Pines, le truc de Shyamalan, et The Haunting of Hill House. D'accord. Mais comme je l'ai pas vu, moi... Bah moi, ça m'a pas sauté aux yeux qu'elle était dedans. Ah, pourtant, elle a un des rôles principaux, je crois. Bah tu vois. Elle est dans tous les épisodes, en tout cas. Bah elle doit jouer la mère de famille, sans doute. Je crois, ouais. Elle est arrivée sur le tournage à la dernière minute parce qu'il y avait une autre actrice initialement prévue, j'ai pas réussi à savoir qui, mais qui est partie quelques jours avant le début du tournage, et elle considère que ça a été le tournage le plus difficile de sa carrière, alors pas du tout parce que ça s'est mal passé avec Flanagan, mais parce que ça a été très exigeant en termes de jeu d'actrice. Et elle a reçu quelques prix pour son interprétation, dont le Fright Meter Award et le High Horror Award, mais j'en avais jamais entendu parler. Je suis pas sûr que ce soit des prix particulièrement prestigieux. Il y a tellement de remises de prix maintenant, ouais, que c'est ça. On s'y perd, quoi. On va faire nos propres remises de prix. Vidéo Club Award. Vidéo Club Award. Dans le rôle de Gérald, on a Bruce Greenwood, qui est aussi un acteur avec une carrière assez respectable. On a pu le voir dans le rôle de Pike dans les films Star Trek et Abrams. Oui, il joue aussi dans Truman Capote, I, Robot, 13 Days et dans Dr. Sleep. Bon, par contre, j'arrive pas à me souvenir d'un seul rôle de lui qui soit vraiment mémorable dans mon esprit. Hein. Il a pas mal joué, mais rien qui m'ait transporté. Après, il est pas mauvais. Hein. Le psychopathe est joué par Carol Strucken, qui, grâce à sa taille et à son visage tout de même très atypique, très osseux et anguleux, a souvent joué des personnages à dimension fantastique. Donc c'est lui qui joue le géant dans Twin Peaks. Il est aussi dans La Famille Adams, il joue le domestique. Ah, Frankenstein Lurch. Lurch. Il me semblait que c'était la création de Frankenstein, moi, le... Et on le voit aussi dans Doctor Sleep. Le père... Alors, le père est joué par Henry Thomas, et ça m'a beaucoup fait rire quand je l'ai vu, parce qu'il a eu un rôle connu, quand il était gamin, si tu devines quoi, dans les années 90, un film culte vraiment de cette époque-là, où il joue l'enfant principal. Un film le culte des années 90 où il joue l'enfant principal. Ouais, ou fin 80, je suis plus sûr de la date exacte. Last Action Hero ? Non. Alors là, dis-moi. C'est lui qui joue Elliot dans E.T. Ah ouais? Ouais. Du coup, quand j'ai vu ça, ça m'a beaucoup fait rire, vu le rôle qu'il a là. Ah, d'accord. Et en fait, il a jamais arrêté sa carrière par la suite, et il a quand même un beau palmarès, parce qu'il est dans Légende d'automne, que je n'ai pas vu, mais qui est un film plutôt culte. Il est dans Valmont de Milos Forman, dans Gangs of New York, dans Don't Look Up de Fruit Chan, qui est le réalisateur de Nouvelle Cuisine. Mais bon, Don't Look Up, c'est vraiment de la merde, pour le coup. D'accord. Et il a joué aussi dans The Haunting of Hill House et Dr. Sleep. C'est lui qui joue en fait Jack Torrance, donc un peu la doublure de Nicholson. Le Flanagan, il est en train de se faire son harem d'acteurs fétiches. Ah bah, je l'ai noté plus tard dans la description, c'est quasiment tous, ils sont réapparus chez Flanagan. J'ai noté une formule dont je suis très content, c'est que Flanagan, c'est comme les morpions, une fois que tu l'as chopé, tu t'en débarrasses pas. Oh, mais... Ah, bravo, ils savent. Et bah vraiment, Henry Thomas, en fait, il a joué pour tous les plus grands, puisqu'il a joué aussi dans Psychose 4 et Désolation de Mick Garris. Quand même. Lui aussi, c'est un peu comme les morpions, quand même. Hein. Ouais, c'est ça. Et on le reverra aussi dans un épisode de Rêve et Cauchemar. Tous ces gens qui sont dans tous les trucs liés à King, quoi. C'est incroyable. C'est toujours les mêmes noms qui reviennent, quoi. Le directeur photo, c'est Michael Fimognari, et c'est aussi un habitué de Flanagan avec The Mirror, Ne t'endors pas, Ouija les origines, Doctor Sleep et The Haunting of Hill House. Flanagan et Fimognari ont envisagé en fait la réalisation pour retranscrire l'état d'esprit de Jessie, donc quand elle s'ouvre à l'extérieur, les plans sont assez larges, et au contraire, quand elle va essayer de se libérer ou qu'elle va être vraiment en monologue intérieur, on va être sur des plans plus serrés pour représenter son enfermement. Et visiblement, Flanagan, c'est quelqu'un qui travaille très à l'avance ses plans et le son de ses films. Et heureusement qu'il le précise, pour ça, ça ne se voit pas du tout. C'est ce que j'allais dire. T'es en train de me dire qu'il y a une réalisation dans ce film ? Ouais, visiblement très travaillé. D'accord. Non mais c'est triste, hein, visiblement, le truc, c'est un projet personnel et très travaillé, et je trouve que ça se sent pas du tout, quoi. Ça fait... C'est triste. On anticipe sur nos avis, on a du mal à se retenir. Putain, j'ai hâte que tu me dises l'avis des gens, parce que... La musique, elle est signée par les Newton Brothers, donc c'est un groupe formé de Andy Grush et Taylor Newton Stewart, qui sont pas du tout frères. Et qui sont sourds aussi, visiblement. Ah, c'est horrible. Et qui ont fait la musique de pas mal de Flanagan, The Mirror, Pas un bruit, Ne t'endors pas, Ouija les origines, Doctor Sleep, The Haunting of Hill House, en fait tous sauf Absentia. Bah, la BO de Jessie, je vais dire qu'elle est courte, très atmosphérique, avec un petit thème simple et assez cliché au piano. En fait, elle est courte, donc elle est passable. Globalement, c'est peut-être parce que j'ai du mal avec les trucs atmosphériques de base, mais je trouve que ce que font les Newton Brothers, c'est vraiment de la merde. J'aime pas du tout leur musique. Je suis désolé, je suis violent, mais en fait, celle de Dr. Sleep, j'ai trouvé... Elle m'a... C'était horrible. Au cinéma, c'est rare qu'une musique m'horripile au cinéma. De Dr. Sleep a réussi à faire ça. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de mauvais films, hein, donc je pense que c'est pour ça qu'on se lâche un peu aussi. Donc les Newton Brothers, voilà, je sais pas, ils travaillent sur quelques autres trucs que du Flanagan, mais c'est quand même leur principale source de contrat. De revenus. Et je comprends pas. Tiens, il y a des trucs atmosphériques que je vais pas forcément aimer, mais où je comprends qu'il y a un travail de l'atmosphère. On en avait parlé... avec les deux qui avaient fait la musique d'un couple modèle, et qui avaient fait d'autres musiques très intéressantes sur Enemy de Denis Villeneuve, aussi très atmosphérique. Là, pour moi, ça n'a juste aucun intérêt, quoi. Il n'y a aucun travail narratif dans leur musique. Dans la réalisation même, il n'y a aucun travail sur l'atmosphère. Mais dans Jessie, disons que ça s'excuse par le fait qu'il y a peu de musique, finalement. C'est très silencieux, donc on peut excuser en disant qu'ils n'ont pas eu de quoi développer leur truc. Oui. Mais en réalité, non, même quand ils ont le temps, ils font pas du bon boulot. Le tournage a visiblement duré 3 semaines, et le changement le plus important au niveau de l'intrigue, c'est au niveau des personnalités avec qui Jessie va interagir, parce que comme on l'a dit dans le roman, elle interagit avec Ruth, avec une petite fille apeurée, et avec une femme au foyer modèle, tandis que dans le film, en fait, les projections d'elle-même que va y avoir, ça va être elle-même, et Gérald, une sorte de fantôme imaginaire de Gérald. Bon, bah ça, on va revenir sur ce que ça change. On y reviendra plus tard. Le film actuellement a 2,8 étoiles sur Allociné, ce qui le place 8e de notre classement actuel. D'accord. Je ne compte pas l'épisode de Rêve et Cauchemar, parce qu'ils ne sont pas listés individuellement. Et 91% sur Rotten Tomatoes, qui le place putain de 2e. Sur Allociné, il y a assez peu de critiques vraiment négatives, mais assez peu de critiques vraiment positives, en fait. La majorité des critiques sont à 3 étoiles, il y en a pas mal à 2 et à 4, et à 5 ou 1, il n'y a rien, donc il n'y a pas grand monde qui a détesté, mais il n'y a pas grand monde qui a vraiment adoré non plus le film, il est juste considéré comme moyen. Par contre, les critiques presse que j'ai trouvées, qui sont surtout les critiques presse américaines, sont très élogieuses dans l'ensemble. Et King a beaucoup aimé le film, apparemment il a envoyé un long mail à Flanagan pour le féliciter, et Flanagan aurait imprimé et encadré ce mail au-dessus de son bureau. Et en gros fanboy qu'il est, j'ai vraiment hâte que Flanagan fasse un film adapté du mail de Stephen King. Vas-y Flanny, amuse-toi. T'es carrément en train de perdre les pédales. Sauf que ta main passe pas dans la menotte et que le montant du lit est renforcé. C'était une bonne idée. Ferme-la. Ne l'écoute pas. C'est à cause de lui qu'on est ici et regarde comment on a fini. Je lui explique comment ça se passe dans la vraie vie. Non. Tu fais ce que tu as toujours fait, tu prends les gens de haut, tu es condescendant. Pour les hommes, c'est pas une chance d'avoir un pénis. C'est une malédiction. Et on va peut-être crever ici à cause des 12 cm de Gérald. Notre vie ne doit pas se résumer à ça. Je peux pas me libérer. Et ces histoires dans les journaux, où des mères soulèvent leurs voitures pour sauver leurs enfants. C'est pas une mère. En attendant, nous, je pense qu'on va pouvoir passer à notre avis. Ah ! Je te laisse commencer. Ah bah, c'est trop d'honneur. Alors... Bah c'était nul. Voilà. Y a pas d'autre mot en fait, c'était nul. Alors maintenant on va évoquer pourquoi c'est nul. Déjà, on va prendre au fur et à mesure. L'une des grandes qualités qu'on n'a pas évoquées dans Jesse aussi d'ailleurs, c'est que on a parlé de beaucoup de romans avant Jesse qui mettent beaucoup de temps à s'installer alors que Jesse lui, ça commence direct. Oui, ça commence direct sur leur jeu sexuel. Gérald, il fait sa crise cardiaque, mais dans les 50 premières pages, et paf, voilà. Oh, même plus rapide que ça, je pense qu'il y en a pour 20 pages maximum, parce que ça commence sur Gérald qui sort les menottes. Voilà. Élément déclencheur, il est là direct, et ça commence tout de suite. Et là, il y a le trajet en voiture, il y a la rencontre du chien, qui du coup est d'une stupidité sans nom. Pourquoi c'est une stupidité sans nom de montrer le chien directement ? Mais parce qu'il lui donne du steak de Kobe, tu gâches pas un putain de steak de Kobe déjà ? Non mais déjà, non mais ça à la limite on s'en fout. Non, on s'en fout pas. Je veux dire, grosse connasse de Bourges, là si elle veut vraiment donner quelque du steak de Kobe, elle le donne à un être humain pauvre, pas un chien. Ah bon, on va oublier tes... Espèce de Brigitte Bardot là, 2.0. On va oublier ton conditionnement qui déteste les chiens. La vraie raison pourquoi c'est stupide, parce que bah, si c'est effrayant dans le roman, c'est parce qu'on sait qu'il y a un chien qui rôde, mais on l'a encore jamais vu. Si ça fait peur, c'est aussi parce qu'on sait que la porte est mal fermée. Si ça fait peur, c'est parce qu'on entend des bruits qui arrivent dans la maison, mais qu'on sait pas ce que c'est. Alors que là, le chien, il est montré direct. Et en plus, à aucun moment dans le putain de film, on te montre que la porte est mal fermée, donc c'est complètement con. Déjà, comment il est rentré, ce putain de chien ? Ça, c'est complètement stupide. Et puis en plus, on voit que le chien, au début, bah, il est pas agressif, il a juste faim. Donc, oui. Ça te retire toute peur. Alors que dans le roman, on sait pas s'il est agressif. Alors très vite, il le prend. Mais du coup, à sa première apparition, t'as une petite crainte quand même, qui pourrait très bien bouffer la gueule à Jesse. Mais cette peur-là, elle est caduque dans le film, parce qu'elle est désamorcée, mais directe. C'est complètement stupide d'avoir fait cette scène-là. En plus de rallonger l'introduction du film et donc de supprimer d'autres choses qui auraient pu être mises en place, on y reviendra. Je te laisse un petit peu prendre la main, histoire qu'on ait des moments de parler équitables sur qu'est-ce qui va pas dans ce film. Alors, moi déjà, je tiens à préciser qu'au début, je m'étais dit que j'allais peut-être défendre un peu ce film, parce qu'il n'y avait rien qui m'avait vraiment plu, oui, à part vrai. Un plan. Il faut le dire qu'en off, il était plus parti sur « Oh, bon, ça va, c'était pas non ouais. plus », alors que moi... Alors, il y avait les trucs qui m'avaient dérangé et que je comptais critiquer. Globalement, il y avait rien que j'avais vraiment aimé. Enfin, rien que j'avais aimé. Mais je comptais pas le descendre. Et en fait, en faisant des recherches, je me suis rendu compte que toutes les décisions que je trouvais mauvaises avaient été prises en toute conscience de... Enfin, en toute connaissance de cause par cet imbécile heureux de Flanagan, là, dont les interviews m'ont insupporté. Donc, du coup, j'ai totalement oublié. Ça va peut-être faire un peu procès d'intention, mais... Un peu. Mais le mec, en fait, toutes les intentions qu'il donne, je trouve que ça part de réflexion de merde, en fait. Donc, c'est un film qui est raté, mais qui est raté de manière réfléchie. C'est ça, le pire. Ah, parlons de l'intention de ne pas mettre Ruth, et de plutôt mettre un Gérald, du coup, fantomatique. Ouais. Alors déjà, du coup, l'explication que donnent Flanagan et son producteur... C'est que ça aurait demandé trop de temps d'installation de mettre Ruth, d'une part, et d'autre part que c'est une voix dans la tête de Jesse, et que donc ça aurait pas été très cinématographique. Mais tu fais apparaître Gérald, tu peux faire pareil pour elle. C'est sûr. C'est quoi cet argument ? Et du coup, au lieu de mettre le trajet en voiture plus le passage du chien, bah, tu fais des flashbacks. Oui, mais... Pour installer Ruth. Oui, c'est ça. Donc c'est complètement caduque, encore une fois, comme raison. Et moi, ce qui m'insupporte le plus dans l'apparition de Gérald, c'est que du coup, Gérald joue le rôle de Ruth. Donc c'est lui qui lui donne majoritairement les réponses aux problèmes qui se posent. C'est-à-dire la présence du verre, tout ça. Bah, ok, mais du coup, ça vire l'un des grands messages qui est que, bah, une femme peut très bien s'en sortir sans homme, en fait. Alors que là, bah, c'est l'homme qui lui donne toutes les clés en main pour s'en sortir. Ouais, au final, il y a ça en plus. C'est complètement contre-productif avec le message que King avait fait dans son roman. Et c'est d'autant plus étrange qu'il ait apprécié du coup le film, en fait. Ouais. Donc ça, c'est l'un des trucs qui me dérange le plus, déjà. Le fait, pourquoi foutre Gérald alors que t'as un personnage de femme forte sous la main? Pourquoi tu continues à foutre un personnage masculin, limite en leader, en fait? C'est très étrange comme décision. Ah, c'est... Oui, c'est ça, c'est un peu bizarre. Après, moi, autre truc que j'ai trouvé assez mal géré, c'est que, bah, comme tu l'as dit, la réalisation, je la trouve très plate, la photographie aussi. Le souci, c'est que je comprends l'intention de faire quelque chose de très quotidien, mais comme il n'y a absolument rien qui me paraît vraiment fort, ni la réalisation, ni l'image, ni le jeu des acteurs, enfin, ni l'acteur de Gérald, ni l'actrice ne sont mauvais. Les deux font bien le boulot, mais il n'y en a aucun des deux qui est vraiment mémorable. Ouais. Je suis désolé pour elle, le tournage a visiblement pas été simple, elle s'est donnée à fond. Mais ce qu'elle fait, c'est... bien, mais c'est tout. Et puis, elle s'en sort relativement bien. C'est-à-dire que j'ai l'impression, enfin dans le film, sa souffrance est pas très bien retranscrite. C'est-à-dire le verre, elle le chope d'un claquement de doigts limite, quoi. Elle le chope avec une facilité, c'est déconcertant. Et à aucun moment, on a l'impression qu'elle souffre d'être installée comme elle est, c'est-à-dire elle peut s'asseoir normalement dans son putain de lit, alors que dans le roman c'est dit qu'elle a du mal à se redresser, à s'installer correctement, voilà. Mais moi j'ai jamais ressenti l'enfermement non plus, ça c'est une question de réalisation, c'était pas à elle, c'était pas à l'actrice de faire ressentir ça, c'était à la réalisation, et ça marche pas très bien, je trouve. Et puis même le fait de laisser le chien présent dans la chambre, alors, en avis, la décision, c'est Flanagan qui s'est dit « Ouais, on va pouvoir foutre du gore et montrer le chien bouffer... bouffer un morceau de Gérald. » Voilà. Du coup, c'est nul. C'est nul parce que en plus, ça monte le chien, et du coup, le fait que ce chien s'éloigne dans le roman pour aller se foutre dans le salon, le chien devient invisible, et donc ça redevient une menace. Puisqu'il est invisible, on ne sait pas où il est, on ne sait pas ce qu'il fait. Alors que là, le montrer perpétuellement à la caméra, bah, c'est plus une menace, parce qu'on voit qu'il est là, tout le temps, et on voit ce qu'il fait. Flanagan dit qu'il fait un travail sur le son, mais justement, je trouve que ça aurait été intéressant que des fois elle entende des sons venus de l'extérieur. T'évoquais dans le roman le mec qui coupe la tronçonneuse. Ça aurait été intéressant d'avoir un travail là-dessus. Il n'y en a pas. Et puis, c'est globalement, en fait, c'est là que je disais que je trouve ça triste, c'est que Flanagan dit que c'est un projet ultra personnel pour lui. Il n'y a aucune personnalité que je ressens dans ce film. Donc en fait, si c'est un projet ultra personnel, le mec est transparent en réalité. Bah oui. C'est vachement triste, on dirait une commande. J'étais vraiment persuadé que c'était un projet de commande en le voyant. Voilà, après, autre défaut, le film est méga explicite, encore plus que le roman, je trouve. Parce que du coup, prendre la décision de faire apparaître les personnalités multiples, le souci que ça a dans le film, c'est que le moindre petit truc psychologique de Jesse va nous être dit dans les dialogues. Et c'est là aussi que c'est peut-être dur à jouer, c'est que ça laisse pas grand-chose à jouer. On avait évoqué par rapport à Cujo la suppression de beaucoup de dialogues pour que Dee Wallace puisse faire passer les choses à travers son jeu. Là, on est dans l'exact inverse. Tout est dit. Ça parle tout le temps. Mmh. Oui, ça jacte. Le film est long en plus. Et long, mais pour pas grand-chose. Parce que le film dure pas loin d'1h50. Ouais. Et t'avais moyen de supprimer beaucoup de trucs pour en installer... Enfin, pour mettre d'autres trucs qui étaient présents dans le roman et qui étaient bien dans le roman. Encore une fois, la présence de Ruth, mais pas seulement. C'est-à-dire que du coup, Ruth n'est pas là et remplacée par Gérald, mais même la voix de la petite fille apeurée n'est pas présente. Du coup, pas du tout. Oui. Elle s'est totalement zappée. Les souvenirs de Jesse... C'est totalement zappé. La montée en puissance de son passé, de ce qu'elle a vécu avec son père, c'est zappé. C'est-à-dire que l'histoire du père, ça arrive mais comme un cheveu sur la soupe. Oui, c'est ça, vraiment, le flashback arrive n'importe comment. C'est juste évoqué à un moment rapidement, parce que Gérald, pendant leur jeu, à un moment lui dit « Papa va s'occuper de toi », et donc là, ça fait péter un câble à Jesse. Ouais, mais... ça fait péter un câble à Jesse, toi en tant que spectateur. Si tu n'as pas lu le roman, tu peux te dire « Bah, c'est juste qu'elle ne trouve pas ça excitant ». Oui. Parce que ça évoque de la pédophilie, tout simplement. Bah, et un viol, tout bêtement. Oui, aussi. Mais du coup, ça, si t'as pas lu le roman, ça te fait pas penser, ah bah ça lui réévoque son passé. Oui. Dans le film, c'est vraiment balancé comme un cheveu sur la soupe. C'est tout d'un coup, flashback, il s'est passé un truc avec mon père. Bah quoi, ça sort de vous. Ah, après, c'est là où il y a le seul plan un peu travaillé du film, à savoir ce plan sur la jetée, le banc, la jetée, et donc le soleil de l'éclipse qui arrive. et qui va prendre des teintes un peu rougeoyantes, très rougeoyantes ouais. même. Et le souci, c'est que c'est le plan imaginatif qui, je pense, est censé symboliser le traumatisme de Jesse, donc c'est pour ça que c'est le seul plan un peu atypique au milieu d'une réalisation plus ordinaire. Mais je pense qu'il aurait fallu vraiment travailler là-dessus, en fait, avoir une structure de palais mental où Jesse se balade limite dans ses souvenirs. Enfin, il y aurait eu tout un travail à faire autour de ça pour transformer un peu l'architecture de la chambre. En fait, vu que dans le livre, Jesse se balade dans ses souvenirs et parle avec des projections d'elle-même, il aurait fallu qu'au niveau de la mise en scène, on ait ça aussi. Alors que non. Ou alors, il aurait fallu opter pour un truc absolument terre-à-terre, mais vraiment y aller à fond, aucun flashback, aucune projection d'elle-même, juste Jesse pendant une heure et demie qui parle pas attaché au lit. Là, au moins, il y aurait eu un parti pris de mise en scène couillu. C'est ça. Alors que là, tout est banal. Ouais. Et c'est ça, enfin... La réalisation n'est pas bancale, elle est banale, c'est déjà ça, au moins. Mais oui. Vraiment, les vrais soucis, c'est vraiment les soucis de parti pris, de suppression d'éléments du roman et d'un rajout d'autres, ou alors de se focus sur certains trucs qui n'étaient pas nécessaires, mais l'histoire du Viagra. Oui. D'où ça vient ? À quoi ça sert ? Enfin, si, à la limite, je peux comprendre le but de dire, Gérald, c'est une figure patriarcale, impuissante. En fait, je comprends le but, sauf que c'est mal amené. Ce qui me fait peur, c'est que j'ai surtout l'impression que le Viagra est là pour dire que c'est ça qui cause sa crise cardiaque et que donc Jesse n'est pas responsable de sa mort. Sauf que dans tous les cas, Jesse n'était pas responsable de sa mort. C'est aussi ce que dans tous les cas, elle se défend parce qu'il allait la violer. Donc quand bien même ce serait son coup qui a provoqué la crise cardiaque, elle n'est pas responsable. C'est aussi ce que je me suis dit. Et puis il y a un autre truc qui est très perturbant, c'est que dans le roman, il y a un travail sur elle-même. Et elle se rend compte que Gérald, pendant des années, ça a quand même été un bel enfoiré. Alors que dans le film, à aucun moment il y a ça. Elle comprend ça avec son père, mais avec Gérald, pas tellement. Oui, finalement, pas tant que ça. Voilà. En fait, quand tu vois le film, tu peux te dire que, au final, elle s'en est sortie, puis limite, elle est un peu triste pour son mari, alors que, à la fin du roman, limite, non, elle s'en fout, en fait. Il y a même plein de moments où elle balance des taglines dans le roman, en mode... T'as juste évoqué que, dans la scène où elle... où il l'attache, qu'elle a jamais aimé ça, les jeux d'attachement, oui. Mais c'est le seul truc qui est évoqué concernant Gérald, il n'y a pas tout le côté perpétuel de sa domination, même en dehors de leur rapport sexuel. C'est ça. Et puis oui, encore une fois, dans le roman, il y a des moments où il est mort, et elle balance des phrases bien cyniques sur sa Alors, mort. Il y a des moments où il est mort, une fois passé les 20 premières pages, il reste mort, hein, il ne ressuscite pas encore le roman. Oui, non, c'est vrai. Mais c'est pas cimetière. Il y a des phrases marrantes, quoi, où genre oui. à un moment, quand dans le roman, elle doit aller chercher la clé de la menotte après s'être détachée une main, et donc elle doit enjamber son cadavre et dire mais vraiment, t'en loupes pas une pour m'emmerder. Voilà, il y a des passages comme ça qui sont rigolos, alors que vraiment, dans le film, il n'y a aucun travail sur elle-même. T'as l'impression que elle est malheureuse pour lui. Alors que non, c'est un personnage d'enfoiré. Peut-être pas au niveau du père, qu'il reste un putain de pédophile, mais c'est quand même un putain de prédateur, quoi, Gérald. Et pour le coup, Elliot, je vais l'appeler comme ça, est peut-être le meilleur acteur du film, la scène où le père doit convaincre Jesse de rien dire, est la scène peut-être qui marche le mieux. Ouais. Parce que elle est déjà très bien dans le roman, et il a gardé à peu près le même dialogue, très proche dans le film, et comme c'est plutôt bien joué à ce moment-là, c'est le moment que j'ai trouvé le plus convaincant, moi. C'est vrai que lui joue bien, par contre. Ouais. C'est peut-être même le meilleur acteur de tous. Même si en off, je t'ai dit qu'ils ont quand même trouvé une actrice qui fait bien Jesse. Alors pour le coup, ils ont eu le bon goût déjà, c'est bien d'avoir respecté l'âge du personnage, effectivement. Ouais. Ils n'ont pas tenté de la rajeunir. Et puis ça va, ils ont aussi le bon goût de pas... parce que ça, mis dans les mains d'un réalisateur un peu beauf... ça aurait pu être l'occasion de sexualiser l'actrice, et c'est pas ce qu'ils ont fait. Apparemment ça, pour le coup, ça a été pas mal réfléchi aussi sur comment l'habiller pour pas qu'elle soit trop sexualisée. Parce que normalement dans le roman elle est juste en culotte. Ouais, voilà, ce qui là en film serait pas passé. Et encore heureux. Ouais. Voilà, parce qu'en plus c'est évoqué rapidement par King qu'elle est juste en culotte. À aucun moment il en parle. Ouais. C'est juste un fait lié au fait qu'elle allait faire l'amour avec son mari, donc c'est lié. C'est ça, il sexualise pas son personnage, King, donc il n'y a pas de raison de le faire en film. Donc, du coup, heureusement... Et pour le coup, le choix de la nuisette est plutôt bienvenu, parce que ça évite de la sexualiser, mais en même temps, ça donne pas le côté prude que ça aurait pu avoir autrement. En fait, on ne sent pas que c'est une astuce pour pas la sexualiser. Et puis du coup, ça amène un petit changement dans la création de la paille, mais qui est bienvenu. Oui. Parce que l'achat de la nuisette, du coup, c'est l'étiquette du vêtement qui sert de paille. Ouais. Alors que dans le roman, c'était une publicité, il me semble. Ouais, c'est ça. Un petit bon publicitaire. Donc ça, voilà, ça, c'est une des quelques bonnes décisions. Mais ouais, le fait de ne pas sexualiser l'actrice, ouais, ça, c'est top. Mais voilà, quand je pense à ce qu'aurait pu rendre ce même film dans les mains d'un réalisateur plus compétent... Ah oui, bah, clairement mieux. Brian, on pense à toi. Eh oui. Tu vois, c'est... Peut-être que dans un univers parallèle, tu vois, des gens qui auraient voulu travailler plein de fois avec King ont réussi à travailler plein de fois avec King. Peut-être qu'il y a un univers parallèle où Romero a réellement fait 5 films avec King et où Flanagan n'en a fait qu'un. J'aimerais bien y être dans cet univers. Oui, mais du coup, peut-être que Mick Garris en a fait 10 dans cet univers-là. Ah. Oh, à la limite, je demande presque à voir. On devrait le dire à maman. Moi, je crois qu'on devrait. Pas toi ? Ça m'ennuie de lui dire. Parce qu'entre vous deux, les rapports sont plutôt tendus ces derniers temps. C'est aussi tendu entre elle et moi en ce moment. Avec l'arrivée du bébé. Mais ces choses-là... Ça devrait pas du tout arranger la situation. Elle pensera pas que c'est de ta faute. J'en suis sûr. Presque sûr. Elle pourrait le penser. Mais tous les deux, on sait que c'est pas de ta faute. Peut-être qu'on devrait rien lui dire. Mais voilà, ouais, alors moi, un autre gros problème que j'ai eu, qui est en soi relativement secondaire, mais c'est le genre de truc qui m'insupporte facilement, c'est les autres références à l'univers de King que Flanagan a absolument voulu caser. Cujo. Après, bon, Cujo, c'est limite l'un des plus compréhensibles. Ouais, c'est juste le fait qu'il y a un chien, en fait. Voilà, il lui dit ton pote Cujo, là, voilà. Ouais. Ça, à la limite, ça va. Mais à un moment, il y a le fantôme de Gérald qui sort un tout chaud serre le rayon pour faire référence à la tour sombre. Mais qu'est-ce que ça branle, là, quoi. Ouais. Même la référence à Dolores Claiborne, du coup, elle est mal amenée, quoi. Bah oui, parce que ça marche dans le roman, parce que les deux sont connectés. Voilà. Si tu lis l'un, tu vas lire l'autre après, et tu vois qu'il y a une sorte d'échange psychologique entre les deux. Donc ça marche. En film, pas du tout. Et c'est Flanagan, on parle beaucoup dans les interviews, il dit qu'il se sentait pas de supprimer ça, que c'était un truc emblématique du roman, et pas du tout, c'est toi qui as un gros fanboy de merde, là. Non, mais ça m'insupporte, ce genre de truc. C'est vraiment le fan qui se masturbe sur le fait qu'il connaît par cœur l'œuvre de l'auteur et qui est capable de placer des références. Et surtout qu'en plus, c'est pas du tout clé dans le roman. Oui, ça sert à rien. C'est-à-dire que moi, j'ai pas lu Dolores Claiborne et clairement, j'ai pas l'impression d'avoir loupé un truc. Non, t'as rien loupé. Clairement, c'est pas grave, quoi. Pour le coup, c'est un truc que Flanagan fera un peu mieux dans Doctor Sleep. C'est... Les références ? Ouais. Faites attention, c'est pas souvent que vous m'entendrez dire du bien de Doctor Sleep. Mais voilà, c'est... Globalement, ouais, c'est un film qui est... bancal à peu près tous les niveaux, voire carrément raté sur plusieurs. Mmh. Donc, bah, et encore, le psychopathe qui est... Ah oui, on en a pas parlé. Fond, on l'a pas évoqué, mais... Du coup, il y a une scène ridicule. Dans le film, c'est le psychopathe qui lèche les pieds de Jesse. Oui. Alors c'est dans un rêve, enfin dans un cauchemar plutôt, mais c'est totalement ridicule quoi. Et puis après elle se réveille et du coup c'est le chien qui la niaque, alors que pendant début le chien n'a aucun geste de méchanceté envers elle. Oui. Enfin c'est... Mais pourquoi il en aurait? Il a un cadavre encore frais à ses pieds. Pourquoi il s'attaquerait à la personne vivante? Parce que du coup il lui lèche les pieds, donc elle a peur, donc elle lui met un grand coup dans la gueule et du coup lui il la niaque. Et du coup ça aussi ça va à contre-courant de ce que a écrit King, parce que King du coup a fait comme avec Cujo, il fait comprendre... dans Jesse que le chien n'y est pour rien. Ah oui, le chien est pas méchant du tout, il est juste là en fait. Et puis en plus, le chien, il a un vrai chapitre à lui, où on nous explique qu'il a été acheté par un père de famille qui voulait juste faire plaisir à sa fille, et après quand il est retourné chez lui, il a eu la flemme de s'occuper du Klebs, donc il l'a laissé dans la forêt en l'abandonnant quoi. Donc, le chien a un vrai moment où tu comprends que bah, au final c'est une victime. Oui. Lui aussi en fait c'est une victime d'un système de... avec quelqu'un qui se croit supérieur à lui. Et d'un homme. Aussi. Et d'un homme, en plus. Ouais. Donc oui, c'est une victime au même titre que Jesse. Donc pourquoi avoir mis le chien dans cette position où tout d'un coup il attaque? C'est contre-productif. Ça va à l'encontre de ce que King écrit. Et bah oui, ce psychopathe, bah, là, même souci que dans le roman, hein, c'est-à-dire avoir conservé cette fin qui était je trouve très faible. Ça donne une fin de film très faible. Surtout que Jessie, cette fois-ci, s'écrit à elle-même, vu que normalement elle écrit une lettre à Ruth, mais comme il n'y a pas ce personnage-là, elle s'écrit une lettre à elle-même en mode rédemption. Et y a la même idée, la dernière confrontation avec le psychopathe. Je trouve que ça réussit à marcher encore moins bien que dans le roman, parce que le film se passe à notre époque, tandis que le roman se passait à son époque, donc au début des années 90. Et entre-temps, on a inventé le portable. Ouais. Donc tant qu'elle est attachée, il n'y a pas de souci, parce qu'elle ne peut pas l'attraper, le portable. Donc problème réglé. Le souci, c'est qu'une fois qu'elle s'est détachée, on nous dit que le portable est déchargé, mais il y a bien un chargeur quelque part. Ou alors, il y a bien son portable à elle. On nous dit que c'est le portable de Gérald. Elle a bien le sien. Enfin, j'imagine. Donc du coup, qu'elle s'enfuit en voiture, ça n'est pas cohérent du tout. Et parce que du coup, en plus, il y a tout ce délire avec le téléphone qui est débranché dans la maison de Jessie. Oui. Où elle cherche à fuir. Qui du coup, là, est supprimé. Vu que, il y a le téléphone, mais il n'est pas chargé, lol. C'est ouais, pas l'eau. Enfin, à ce moment-là, tu le recharges, quoi. Bah oui. Avec le psychopathe, il y a quelques scènes qui, entre les mains d'un bon réalisateur, auraient pu bien donner. Parce qu'il y a des effets qui sont sympathiques. Genre l'effet où elle regarde dans le rétroviseur et elle le voit et il a les yeux, couleur feu, quoi. Oui. À ce moment-là, la photographie est bien gérée et du coup, avec un bon réalisateur pour bien placer la caméra où il faut, ça aurait pu vraiment créer une scène vraiment qui fait flipper. Bon, ça ne l'est pas, malheureusement. Et ça, pour le coup, c'est presque étonnant, parce qu'il y a un truc que je peux reconnaître quand même à Flanagan, c'est que normalement, il a un certain sens du visuel. Dans Doctor Sleep, il y a des plans qui sont vraiment jolis, et même dans The Mirror, même si c'est monté avec le cul, il y a des plans qui sont jolis aussi. Il est aussi monteur de ses films, du coup, ça reste de sa faute, hein, mais... parce que dans Jessie, au final, le seul plan vraiment réussi, c'est comme on l'a dit, le plan sur le lac, avec l'éclipse. Non mais vraiment, je comprends la volonté de banalité, sauf que banalité veut pas dire filmer ça comme un téléfilm, il aurait fallu qu'il y ait des trucs... En fait, c'est peut-être trop le cul entre deux chaises, hein, quitte à faire du banal, il aurait fallu que ce soit, comme je l'ai dit, complètement banal, complètement en ôtant tout élément un peu fantasque. Ouais. Je vais évoquer un dernier gros souci que j'ai moi avec le film, c'est que dans le roman, la temporalité, elle n'est pas vraiment bien expliquée, et du coup, on est un petit peu perdu. On ne sait pas trop combien de temps Jessie est restée attachée, tu vois, on ne sait pas... Alors que dans le film, t'as l'impression que tout ça, ça se passe en 24 heures. Mais vraiment. C'est plus ou moins le cas dans le film, parce que c'est la deuxième nuit qu'elle se libère. Voilà, et du coup, t'as vraiment aucun impact, alors que je trouve que dans le roman, déjà, t'as tout le passage où elle arrive à se détacher, et donc elle se lève, et donc t'as les jambes un petit peu faiblardes qui flagellent, et donc elle doit se traîner. Oui. Et là, tu sens qu'il y a du temps vraiment qui s'est passé, mais tu sais pas exactement combien, et du coup, ça joue sur le stress parce que tu sais que elle peut pas encore valdinguer et courir partout. Surtout qu'elle s'est complètement déglingué le poignet en s'échappant. Plus. Et tout ça, c'est bien amené dans le roman, et dans le film, t'as une notion de la temporalité qui est vraiment à échelle 1. C'est-à-dire, il s'est passé 2 jours. Ouais, ça va trop vite. Ça. C'est vraiment, t'as pas de notion, t'avais vu une nuit, et puis voilà. C'est très étrange, en fait. Encore un truc étrange à rajouter à ce film. Non, mais voilà, je vois pas un seul truc vraiment complètement réussi dans le film, et tout semble relever de mauvaises décisions de Flanagan, quoi. Donc de trucs qu'il assume complètement. Donc s'il assume, je peux même pas lui trouver d'excuses, quoi. Non mais il y a un moment, je peux excuser des maladresses, je peux pas excuser un mec qui assume fièrement j'ai fait du caca. Fait de la merde. Et oui. Et dire qu'à la base, tu partais sur un bon sentiment. Je partais sur un sentiment, je vais le défendre un peu. Pas sur un bon sentiment, exagère pas. Mais enfin, disons que quand on a commencé à parler ensemble sur la messagerie, ouais. Tu t'es dit « Oh !» Il a l'air de partir en mode « je vais défoncer dessus, je vais essayer d'être un peu gentil ». Surtout que moi, j'ai aussi le côté contraste avec Dr. Sleep, et Jessie reste supérieur à Dr. Sleep. Peut-être parce que Jessie dure moins longtemps que Dr. Sleep. Ouais, puis que c'est adapté d'un meilleur roman, mais ça en y reviendra en temps voulu. Encore on tirera Dr. Sleep. Ça sera douloureux, putain. Écoute, je pense qu'on a fait le tour. Ouais, je pense. Donc on va pouvoir passer à un extrait représentatif. C'est parti. Running through the Donc pour l'extrait représentatif, nous avons choisi une scène où Jesse a soif et va donc devoir chercher à attraper un verre d'eau. Dans le livre, je lis l'édition du Grand Livre du Mois. Bah ça doit être France Loisir. Hein. Oui, c'est ça, c'est du France Loisir. Traduit de l'anglais par Mimi et Isabelle Perrin. Pardon. Salut Mimi, big up. Et nous sommes à la page 97. Qu'est-ce que j'ai soif, gémit Jesse. Bon, d'accord, on va commencer par ça. Elle détourna la tête de la fenêtre, et lorsqu'elle sentit le dernier rayon de soleil effleurer le côté gauche de son cou et que sa chevelure humide se colla à sa joue, elle rouvrit les yeux. La première chose qu'elle vit fut le verre d'eau de Gérald. Sa gorge desséchée émit un cri d'urgence. « Pour commencer cette phase des opérations, oublions le chien, » ordonna Russe. « Il fait ce qu'il a à faire pour sauver sa peau, et tu dois suivre son exemple. »« Je sais pas si je peux l'oublier, » dit Jesse. « Moi je crois que si, ma grande, j'en suis même sûre. » Si tu as réussi à jeter un voile sur ce qui s'est passé le jour où le soleil s'est éteint, je pense que tu peux cacher n'importe quoi sous ce voile. » Pendant un moment, Jesse crut presque se souvenir de tout et comprit qu'elle en serait capable si elle le désirait. Le secret de cette journée n'avait jamais complètement sombré dans son subconscient, contrairement à ce qui arrive dans les feuilletons télévisés et les mélodrames au cinéma. Au mieux, il avait été enterré peu profond. Elle avait fait une sorte d'amnésie sélective, mais totalement volontaire. Si elle voulait se rappeler ce qui s'était passé le jour où le soleil s'était éteint, elle le pouvait certainement. Comme en réponse à cette invite, surgit une image mentale d'une clarté déchirante. Une vitre serrée entre des pinces à barbecue, qu'une main protégée par un gros gant de cuisine tournait et retournait dans la fumée d'un petit feu de bois vert. Jesse se raidit sur le lit et chassa vigoureusement cette image. « Mettons-nous bien d'accord, » songea-t-elle. Elle supposa qu'elle s'adressait à la voix de Russe, mais sans en être sûre, car elle n'était plus sûre de rien. « Je ne veux pas me souvenir, ok ? Les événements de cette journée n'ont rien à voir avec ceux d'aujourd'hui. Strictement rien à voir. D'accord, il y a plein de points communs. Deux lacs, deux maisons de vacances, deux expériences de secrets, silence, douleur, blessure, petits jeux sexuels. Mais me rappeler ce qui s'est passé en 1963 ne fera que me rendre encore plus malheureuse. Alors on laisse complètement tomber la question, d'accord ? On oublie le lac Darkscore. Qu'est-ce que tu en dis, Russe ? Demanda-t-elle tout bas, posant son regard sur le parpillon de batique à l'autre bout de la pièce. Pendant un instant, elle eut une autre vision. Une fillette, la petite minouche de quelqu'un, humant un doux parfum d'aftershave et regardant le ciel à travers un morceau de verre fumé. Puis, Dieu merci, l'image disparut. Elle observa le papillon quelques secondes de plus, voulant s'assurer que ses vieux souvenirs n'allaient plus ressurgir, puis reporta son regard sur le verre de Gérald. Si incroyable que cela puisse paraître, quelques petits glaçons flottaient encore à la surface, alors que la chambre conservait, et conserverait encore un certain temps, la chaleur de l'après-midi. Jesse laissa glisser son regard le long du verre, s'attardant sur les petites gouttes fraîches de condensation collées aux parois. Elle ne voyait pas le rond en carton sur lequel il était posé, son angle de vision était un peu trop bas, mais n'en avait pas besoin pour visualiser la tache d'humidité sombre se formant dessus à mesure que les gouttelettes roulaient sur les parois et s'amassaient à la base. Elle passa sa langue sur sa lèvre supérieure, sans vraiment l'humecter. « Je veux à boire !» exigea la voix d'enfant effrayé, la voix de la petite minouche de quelqu'un. « Je veux boire et je veux boire tout de suite !» Mais elle ne pouvait pas atteindre le verre. Si près et pourtant si loin. « Russe, ne renonce pas si vite. Tu es bien arrivé à atteindre le chien avec un cendrier, ma grande. Alors tu peux peut-être avoir le verre, c'est pas impossible. » Jesse allongea la main droite aussi loin que le permettaient les élancements de son épaule, mais il lui manquait toujours au moins 6 cm. Elle avala sa salive, grimaçant à chaque contraction de sa gorge râpeuse comme du papier de verre. « Tu vois, » dit-elle, « t'es contente maintenant ?» Russe ne répondit pas, mais Bobonne prit la parole doucement, presque en s'excusant dans la tête de Jesse. « Elle a dit de l'avoir, pas de l'attraper. Ce n'est peut-être pas la même chose ?» Bobonne laissa échapper un petit gloussement gêné du genre « Mais de quoi je me mêle ?» et Jesse prit le temps de constater une fois de plus qu'il était bien étrange d'entendre une partie de son esprit rire ainsi, comme s'il s'agissait d'une entité autonome. « Si j'avais quelqu'un de plus, on pourrait se faire un tournoi de bridge là-dedans. » Elle regarda le verre encore un instant, puis se laissa retomber sur l'oreiller pour étudier le dessous de l'étagère. Elle n'était pas fixée au mur, mais reposée sur 4 équerres qui ressemblaient à des L majuscules renversées. En outre, elle savait que l'étagère n'était pas rivée aux équerres. Elle se souvenait qu'un jour où Gérald téléphonait, il s'était appuyé dessus machinalement. Le côté de Jesse s'était soulevé comme le bout d'une bascule, et si Gérald n'avait pas aussitôt retiré sa main, il aurait envoyé valser la planche. Et maintenant, la même scène dans le film. Est-ce que tu sais combien de temps on peut vivre sans eau ? 3 jours. Au mieux, oui. Hein, je crois bien avoir entendu ça quelque part. Ça me semble cohérent. Et on est là depuis 5, 6 ou peut-être même 7 heures. Si tu savais à quel point je voulais te faire plaisir. C'était vraiment une idée de merde, ces cachets. Une chose est sûre, en revanche. Tu es heureuse qu'il ait pris ses petites pilules bleues. Tu es heureuse. Je n'arrivais pas à comprendre ce qui n'allait pas chez moi, ce dont tu avais besoin. Non, tu n'écoutes pas. Prends-en une. Va lui donner. Mais qu'est-ce que... Va lui donner. Mais qu'est-ce que tu... Va lui donner ce qu'elle attend. Et voilà. Dieu bénisse ces cachets. Ces géniales petites pilules bleues qui ont permis à Gérald d'être tellement ardent. Même si elle au ralenti. Tu vas la faire à chaque fois maintenant, c'est ça ? Je l'ai coupé la dernière fois, mais cette fois-ci je la laisse, hein, ça t'apprendra. Donc, cette scène, bah, je me permets de commencer, comme vous l'avez sûrement noté, la différence notable, et c'est un peu pour ça qu'on l'a choisie, c'est parce que ça a beau être le même principe, à savoir Jesse qui a un conciliabule avec ses personnalités pour attraper le verre, les personnalités ne sont pas du tout les mêmes. Donc dans l'extrait du livre, on voit les trois, à savoir Bobonne, donc la femme un peu docile, Minouche, l'enfant peureuse, et Russe, donc la femme forte, la battante. Dans le film, on a la deuxième Jessie, et on a Gérald. Donc qu'est-ce que t'en penses, toi, Christopher ? C'est une scène en plus qu'on a évoquée tout à l'heure, quand on parlait plus globalement du roman. Dans le roman, c'est une scène que j'aime beaucoup, c'est même peut-être l'une des scènes que je trouve les plus fortes dans le roman, parce qu'elle met en avant le fait que Jessie, même si elle est dans une position de faiblesse, elle baisse pas les bras, elle se laisse pas aller, et elle a pas envie de mourir, tout simplement. Et j'aime beaucoup le fait que, du coup, ça soit d'autres personnalités féminines fortes qui l'aident à s'en sortir. C'est vraiment une entraide féminine. Et on sent toute la difficulté qu'elle a pour réussir. Enfin, dans l'extrait, on s'arrête juste avant de la lecture. Mais du coup, plus loin, on sent la difficulté qu'elle a à soulever la planche et à réussir à choper le verre. Chose qui, on l'a évoqué tout à l'heure, dans le roman, dans le film, n'est pas du tout mise en avant. La difficulté qu'elle a à faire tout ça, c'est... On sent qu'elle a du mal, mais quand même, quoi, c'est un petit peu facile, quoi. C'est finger in the nose, quoi, dans le film. Et puis même, je trouve que c'est bien écrit dans le roman, parce que chaque personnalité a vraiment sa manière de parler, son phrasé. Et très différente. C'est ça. Et il y a vraiment un côté dispute intérieure, il y a la petite blague sur le bridge, mais il y a vraiment... Elles sont en train de... C'est vraiment une dispute intérieure qui est extériorisée. C'est ça, alors que dans le film, au final, dans le film, Gérald et l'autre Jessie, c'est limite, c'est la même personnalité, quoi. Ouais, elles se ressemblent beaucoup. C'est deux personnages forts, sauf que d'un côté, c'est un personnage fort homme, de l'autre côté, c'est un personnage fort femme. Sauf que vu que celui qui prend le dessus à chaque fois, c'est le personnage fort homme, ça nique tout le propos. Ouais, c'est ça, et puis en plus, c'est vraiment pas le bonhomme, vu que c'est celui qui vient de la mettre dans la merde et qui l'a dominée tout le temps et qui voulait la violer, donc vraiment... Enfin, il y a peut-être un propos sur le fait qu'elle a du mal à se libérer de son attachement aux hommes, sauf que comme elle est réellement attachée à un plumard, c'était pas la peine d'y ajouter une métaphore, en fait. Ouais, voilà, c'est ça, et puis à mon avis, la vraie raison, c'est surtout on a pris un acteur, on l'a payé, autant le faire jouer vraiment, quoi. Ouais. Il y a aussi ça, à mon avis, beaucoup, hein. Plus qu'une volonté de... on va pas mettre Ruth parce que ça serait compliqué pour le spectateur. Et puis vraiment, je trouve qu'à la lecture, on sent que l'enfant manque, en fait. Parce que c'est elle qui fait qu'après, tous les flashbacks autour du père passent aussi bien. Et puis, c'est la plus représentative des peurs. C'est celle qui aurait rendu le psychopathe, s'il avait pas été présent physiquement à la fin, plus bienvenu, parce que justement, il y a tout ce symbole des peurs enfantines, comme tu le disais. ça aurait été une personnalité qui aurait vraiment ajouté quelque chose, donc... Bah, et puis en plus, surtout, la Jessie enfant, tu la représentes dans le film, donc tu peux très bien, pour le coup, la mettre en personnalité en plus dans le film. Oui, c'est ça. Qui interagit avec l'autre Jessie et Gérald. Oui, l'autre Jessie qui aurait pu être l'équivalent de celle qu'on appelle Bobonne dans le roman. Voilà. Et en plus, niveau mise en scène, ça aurait vachement enrichi, parce qu'elles auraient pu vivre leur vie, vraiment, les trois... Bah oui, voilà. Donc c'est vraiment du gâchis, parce que, en fait, la clé pour adapter Jessie était limite dans le roman, c'était, je pense, en travaillant autour de ses personnalités et autour des voyages dans l'esprit de Jessie constants. C'est ça, en fait, Flanagan, vraiment, en réalisant Jessie, il en a fait un film d'horreur, en oubliant que Jessie, c'est pas que un roman d'horreur, c'est surtout un roman psychologique. Oui. C'est ça que Flanagan. Mais le pire, c'est que oublié. Je pense qu'il veut faire un truc psychologique. Je pense juste que c'est un gros. C'est mal maîtrisé, quoi. Je pense que c'est une grosse brutasse qui sait pas écrire de psychologie correcte à ses personnages. Ah bah si, il a écrit un psychopathe qui lèche des pieds. Ouais, non. alors peut-être, toi, t'as bien aimé The Haunting of Hill House, donc peut-être que c'est mieux fait dedans. Ça, j'en sais rien, moi je l'ai pas vu. Moi, donc, vraiment. Je vais pas en traiter. Vraiment, The Haunting, moi je trouve que c'est une très très bonne série, vraiment. Mais, encore une fois, c'est plus, du coup, de la. Psychologie et un drame familial qu'une vraie série horrifique. Pour moi, hein, c'est comme ça que moi je l'interprète. Même si pour le coup les effets horrifiques fonctionnent dans The Haunting, alors que dans Jessie c'est un peu ridicule. Ouais. Mais ouais, vraiment, il aurait fallu plus jouer avec ses personnalités, surtout que bah là, dans le. Il y a vraiment des trucs qui auraient pu être faits autour de Minouche, la gamine qui est en train de criser parce qu'elle a pas ce qu'elle veut, parce qu'elle a peur, et de Rousse qui la rudoie un petit peu pour la calmer, pour lui dire c'est bon, limite tu t'en prends une pour te calmer. Il y aurait des trucs à faire en fait, il y aurait plein de trucs à faire. Oui, clairement. Voilà. Donc, un échec, et un échec qui aurait pu être évité, pourvu qu'il y ait eu un peu de réflexion sensée, je trouve. C'est ça, parce que. Après, encore une fois, je me dis, en faisant ce podcast, je comprends de plus en plus Durandal, qui est souvent seul contre tous. On a un peu de ça, nous aussi. Ouais. Après, pour le coup, je suis moyennement d'accord avec l'avis général qui dit que Jessie, c'est pas réalisable, alors que si, franchement... C'est compliqué, clairement. C'est compliqué. C'est pas simple. Mais c'est compliqué, mais je pense que toute œuvre, enfin tout roman peut être réalisable avec quelqu'un de talentueux à la clé, quoi. Ouais, il y a 2-3 exceptions, mais... Les tribulations... Non, je pense que, par exemple, Lolita de Nabokov est inadaptable en l'état. Et pourtant, il a été. Oui, il l'a été, mais toutes les adaptations de Lolita ont, en fait, totalement squeezé le centre de Lolita. Bah oui. Et parce que c'est inadaptable. Bah c'est... Oui. Il l'a été, et en plus, il l'a été alors que... Enfin... Spoiler, si un jour on fait une émission sur Kubrick, c'est clairement loin d'être l'un des meilleurs Kubrick. Bah, c'est un film, je l'ai réévalué, on dévie un peu, je l'ai réévalué la dernière fois que je l'ai revu, parce que quand même, tout ce qui tourne autour de Peter Sellers, c'est vachement bien dedans, mais clairement, ça traite pas du tout de tout le côté hyper malsain de Lolita, donc ce que voulait faire Nabokov, à savoir être dans l'esprit d'un pédophile et nous enfermer dans cet esprit-là pendant 500 pages, sans jamais qu'on collabore, entre guillemets, avec lui. C'est-à-dire, oui. Il est toujours immonde pendant 500 pages, mais ça reste un roman. C'est ça. Ça, pour le coup, tu peux pas l'adapter, en fait, sans blesser ton actrice, je pense. C'est ça. Donc, il vaut mieux que totalement dévié, si on l'adapte. Oui. Mais effectivement, Jessie, pour le coup, il y a des trucs à faire. Faut juste quelqu'un de compétent derrière. Et donc, voilà, bah, ça a été un bon exemple de scène très affaiblie. Ouais, clairement, oui. Et d'un des meilleurs aspects du roman qui devient un des aspects du film banal, très bavard et trop explicatif. Encore une fois, vu que ça se repose que sur le dialogue en plus, qu'il n'y a pas vraiment de notion de jeu, de mise en scène, de déplacement, de personnalité vraiment différente, bah c'est obligé de parler, de tout expliquer, et ça aussi, en film, c'est vite agaçant. C'est ça. Et puis globalement, l'aspect huis clos est pas vraiment présente dans le film, enfin bref. Ce qui est bête, hein, pour un truc voilà. Où le personnage est attaché, qu'on n'arrive pas à ressentir le huis clos, c'est quand même chaud, quoi. Bah oui, c'est ça qui est problématique, quoi. Qu'est-ce qu'on fait? On en passe au classement? Bah je pense qu'on va passer au classement, on va pas... c'est bon, je pense que le cadavre est par terre, ouais, on lui a mis plein de coups de pied, on va peut-être se calmer maintenant. Ouais, c'est même le cadavre de Gérald, à la fin, il est en meilleur état. Hein. Ouais, voilà, c'est ça, quoi. C'est parti pour le classement. Thank you. Très bien, donc comme d'habitude, nous allons commencer par le classement du livre. Je te laisse nous rappeler un peu quel est l'ordre des premiers et des derniers, Christopher. Alors maintenant, nous en sommes à 13 œuvres abordées. Le classement de tête et le classement de fin, d'ailleurs, ne changent pas depuis plusieurs épisodes. Spoiler, il ne changera pas non plus à celui-là, je pense. Nous avons donc en tête de classement Cimetière, La Part des Ténèbres et enfin Cujo en troisième place. Et en queue de peloton, nous avons Bon Ménage, Les Enfants du Maïs et Le Dentier Claqueur. Jesse. Ou Maître Jesse. Alors, Jesse, pour le coup, c'est quand même mieux que Dreamcatcher. Hein. Ah oui, non, mais là, on va voilà. Pas se mentir. Hein. C'est mieux que Dreamcatcher, c'est même mieux que Le Fléau. Et franchement, pour le travail psychologique et le début de rédemption des personnages féminins que King fait, pour moi, ça va même au-dessus de Carrie, en fait. Alors, c'est en fait là où j'ai un peu le souci de classement. C'est pour moi, en fait, Jesse va avoir le même avis final que Salem et Carrie, c'est-à-dire c'est bien, mais avec des faiblesses. Bah oui, donc pour moi, ça s'intégrait dans ce trio-là. Après, ouais, au-dessus de Carrie, je suis d'accord. Peut-être pas au-dessus de Salem. Ah non, pour moi, ça va entre Carrie et Salem. Parce que il faut quand même... Et pourtant, je pense qu'à la lecture, Carrie étant un roman un peu plus court, je pense que je préférerais relire Carrie que Jesse. Parce que moins glauque, y a des passages qui me dérangent beaucoup moins. Mais au moins, il faut saluer vraiment le vrai travail psychologique que King a fait sur Jesse et cette envie d'enfin faire des personnages féminins forts et bien écrits. Ouais, et il y a vraiment quand même cette écriture à plusieurs voix, là, qui est pour le coup vachement bien gérée en lisant des... J'ai pas lu tout le roman, mais en lisant en diagonale des bouts, je trouve vraiment ça super bien fait. Mais du coup, ouais, au-dessus de Carrie, mais en dessous de Salem, parce que Salem, quand même, a une histoire bien mieux maîtrisée, du début à la fin, et déjà un vrai début, un vrai milieu et une vraie fin, une vraie conclusion top, là où Jesse se perd un peu. Elle n'est pas géniale, la conclusion de Salem, mais moins mauvaise que celle de Jesse. Voilà. Donc pour moi, ouais, sixième place, au-dessus de Carrie, et en dessous de Salem. Ouais, c'est bon, ça me convient. Et ben c'est parti. Hop. Et donc, pour les films, nous avons en premier Carrie de Brian De Palma, suivi de Chambre 1408 de Mikael Astrom et de Cujo de Lewis Stieg. Et pour les trois derniers, en 13e, La Tour Sombre de Nicolas Jarcel, suivi des Démons du Maïs de Donald P. Borcher, et en bon dernier, Le Fléau de Mick Garris. Vous retrouverez les listes complètes dans la description, tant pour les livres que pour le film. Alors, et donc, je me permets un élément. Autant je préfère lire Jesse plutôt que Dreamcatcher, autant je préfère revoir Dreamcatcher plutôt que de revoir Jesse. Mais carrément, je me demande si je préfère pas revoir La Tour Sombre que Jesse. C'est lire. Hein. Alors, vas-y, je te laisse. À la limite, je sais pas. Non, objectivement, je préfère quand même revoir Jesse plutôt que Le Fléau, parce que Le Fléau, c'est quand même putain de long. Ouais, non, Le Fléau, c'est trop dur. Hein. Le Fléau, c'est... En fait, c'est beaucoup trop long. Hein. C'est ce qui va plomber Le Fléau à un moment. Voilà. Mais même les Démons du Maïs, je me marre plus. Ouais, c'est ça. Au moins, il y a le lancer de couteau qui distrait un peu dans les Démons du Maïs. Voilà. Bon, après, si on veut défendre Jesse, il y a le magnifique plan de la jetée, quoi. Mais... Ouais, mais c'est un plan, quoi. C'est... Je suis sûr que tu peux trouver un plan pas trop mal fait dans les Démons du Maïs, pour peu que tu cherches un peu. Ah, pour le coup, je suis pas sûr. Ah, ouais, non, c'était chaud, mais... Tout est quand même bien dégueulasse dans les Démons du Maïs. Il y a vraiment que le plan du lancer de couteau, quoi. Mm-hmm. Non, si on veut être vraiment objectif, ça va quand même au-dessus. Mais bon... Est-ce qu'on est là pour être objectif? Le truc, c'est que... J'ai envie de dire que la différence, qui pour moi va faire beaucoup de trucs, c'est que les Démons du Maïs, ça avait rien pour... Pour être gagnant, alors il y avait plein de décisions à la con qui ont été prises, dont celle de suivre finalement une nouvelle de 20 pages pour en faire un film d'une heure et demie, mais... Ça avait pas de prétention. Mais ça avait pas de prétention, et ça partait d'un matériau de base qui était sympa, mais qui était pas non plus ultra riche, tandis que Jesse, ça dilapide son matériau de base, et je trouve les décisions prises par Flanagan encore plus cons que celles de Donald P. Borcher, limite. Ouais, mais du coup, avec un argument comme ça, La Tour Sombre, il est dernier, tu vois, parce que le matériau de base est encore... meilleur. Ouais, mais la tour sombre, c'est encore autre chose. J'ai plus... En fait, la tour sombre, j'arrive à l'excuser dans la mesure où le réalisateur a été pris dans un espèce d'imbroglio de production ultra compliqué. Oui. C'est même pas tellement de la faute du réal. Oui, c'est vrai que le pauvre... Hein, puis au moins, il y a Idriss Elba dans la tour sombre, tandis que... Bon, en même temps, Idriss Elba, il peut faire beaucoup de trucs, mais Jesse, il aurait pas pu. Oui, voilà, c'est le rôle ne lui va pas. Et c'est vrai qu'un film avec Idriss Elba sera toujours mieux qu'un film sans Idriss Elba. Voilà. Voilà. Mais, et puis c'est vrai que dans sa tête, dans la tête du réal, la tour sombre, c'était la pierre angulaire, c'était le premier chapitre. Parce qu'à la base, ça devait être plusieurs films, et éventuellement une série. Puis vraiment, comme on l'a dit, la tour sombre, il y a eu plein de problèmes de production, donc le bordel monstre que ça a été, c'est même pas de la faute de quelqu'un en particulier. Oui, non mais oui, c'est vrai. Tandis que Jesse, il y a un coupable pour moi. C'est vrai. Non mais c'est vrai. Alors maintenant, du coup, en dessous ou au-dessus des démons du maïs? Si on juge sur les qualités cinématographiques pures, au-dessus, ouais. Parce que c'est quand même mieux joué et c'est quand même mieux filmé, si on prend en compte le fait que c'est une adaptation et qu'il y a tout ce gâchis en dessous. Donc je te laisse, qu'est-ce qui te semble le plus juste? Le plus juste? Mais je n'ai envie d'en revoir ni l'un ni l'autre. Non mais moi non plus. Dans les deux cas, dans les deux cas, on est en queue de classement là. C'est, je veux jamais refoutre mes yeux devant ça. Quitte à choisir, je préfère revoir les démons du maïs parce que ça dure moins longtemps. Ouais. C'est comme la jetée pour Jesse. Ça, je vais l'enfuir dans un coin de ma mémoire. Et j'espère que ça reviendra jamais quoi. Tu vois, les démons du maïs, ça dure 17 minutes de moins, donc c'est forcément mieux. Oui, bon bah allez hop, Jesse, 14e et heureusement, 15e du coup, derrière les démons du maïs, et heureusement qu'il y a le fléau. Hein. Oh. Ah, disons que Mike, t'es sauvé par Mick Garris, quoi, t'as pas honte. Et encore, t'es sauvé par Mick Garris, parce que le fléau, si ça avait été un film d'1h30, il serait sans doute au-dessus. Voilà, c'est... Non, non, c'est pas bien, c'est vraiment pas bien, là. Ah, on s'est bien défoulé sur cet épisode-là. Ouais. Ah, ça fait du bien, on avait eu pas mal de bons trucs, là, dernièrement, on avait essayé de réhabiliter des trucs pas très appréciés, bon, bah voilà, ça s'est fait, maintenant. Voilà, c'est fait. On a pu être un peu méchants, on s'est défoulé. Ah, et maintenant, bah, je te propose qu'on passe à la tirage au sort. C'est bon. Et je te laisse choisir en premier. Ah. Alors. Je pioche. Est-ce que vous m'entendez piocher? Prendre un là. Tiens, celui-là, là. Oh, celui-là, à mon avis, c'est un beau, allez. Hop, je te passe le chapeau. Merci. Alors, qu'est-ce que j'ai tiré, mes amis? Ah, je le tiens à l'envers. Cœur perdu en Atlantide, de Scott X. Ah, intéressant. Donc, Cœur perdu en Atlantide, qui, contrairement à ce que son titre indique, n'adapte pas tout Cœur perdu en Atlantide. Donc, oui, parce qu'en fait, c'est plusieurs nouvelles, parce que moi, je ne l'ai pas lu. Ouais, plusieurs nouvelles, mais connectées thématiquement. Voilà, qui forment un grand tout, quoi. Mm. Donc, c'est quand même plus appréciable de lire tout entièrement, du coup. Ouais, ça va nous poser un problème quand on en viendra au classement. Et, par contre, avec le grand Anthony Hopkins, on va enfin avoir un acteur prestigieux, quoi. On en a quand même eu d'autres. On a eu John Cusack, on a eu Samuel Jesse, Jackson. Ah oui, oui, après Jesse. Et moi, donc, j'ai pioché Peur Bleu de Daniel Attias. Oh, ben, on va continuer à rigoler un peu, hein. Mais... Monsieur Flanagan, vous vous rendez compte que vous allez être en dessous de Peur Bleu? Spoiler, hein, mais... Oui, on s'est bien marré devant Peur Bleu. Donc voilà, bon, bah, dans deux semaines, on fait Cœur perdu en Atlantide, que je n'ai pas vu. Donc j'ai lu le livre, mais j'ai pas vu le film. Et bah moi, c'est l'inverse, du coup. J'ai vu le film, mais je n'ai pas lu le livre. D'accord. J'ai un très bon souvenir du film, cela dit. Oh bah, tant mieux. Et le livre est très bien. Voilà. Et dans un mois, on se retrouve pour Peur Bleu. Que du coup, on a tous les deux lu. Un exercice. Et tous les deux vu. Un exercice. Voilà. Et en attendant, vous pouvez nous retrouver donc sur les réseaux sociaux. @cinémaarchiviste pour toi-même, @augrédesbulles pour moi. Ouais. Vous pouvez nous retrouver aussi sur Discord. Pour ma part, j'ai aussi une page Facebook de Archiviste. Je la mentionne jamais, mais c'est voilà. Et nous animons deux autres podcasts où nous ne sommes pas seuls. Nous sommes avec Nécro, Casse sur table et La guerre des clapes, le premier consacré aux mangas, comics, BD. Et le deuxième consacré au film, le dernier sorti était consacré à l'Armée des Ombres de Melville. Le prochain, ce sera sur Sacré Graal. Exactement. Et en attendant, n'oubliez pas que le vidéoclub de Castle Rock est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. À plus. Salut.